aussi faire. Comment tu expliques à moi, donne la misère, tu trouves plaisir. Madagascar, déjà où manqué à la télé, y a l'île télé, tous amis en gros blanc. Maman est tout nu, des scrams n'a presque pas l'aise. Et ma film érotique, ça l'était un reportage. Si pays la vie, déjà où manqué à la télé. Combien la peau souffert, télé la montre à moi, reportage si la misère. Bienvenue à tous, les amis. Bonjour à tous, bonjour Mickaël. Bonjour Isabelle, ça bonjour Aragnon. Alors la journée, elle commence très tôt avec vous, même sur Facebook, la page Grand Matin. On fait un coucou à Sabrina qui a déjà démarré depuis 4h du matin. Eh ben voilà, on l'embrasse. Courage. Bon courage à tous, il est 5h sur la première. C'est l'heure du journal, Florent Marot, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Elle sera jugée le 17 février prochain. La maman qui a corrigé son fils sur Facebook a été placée en garde à vue hier avant d'être libérée quelques heures plus tard. La vidéo a fait le buzz et continue de diviser. Une centaine de personnes étaient hier devant le commissariat pour soutenir la jeune femme. Aux assises, Stéphane Bocage et Coralie Francom seront fixés sur leur sort ce soir. Le jeune homme de 26 ans est accusé d'avoir tué le petit Kaylan, 2 ans. Il avait avoué les faits, mais hier, Stéphane Bocage s'est rétracté. Il nie aujourd'hui toute implication. Enfin, en football, deuxième et dernier match de poule aujourd'hui pour la Saint-Pierroise. Les Cigognes participent en ce moment à la Coupe des clubs champions aux Seychelles. Saint-Pierre qui affronte justement les Seychellois cet après-midi. Plus de 350 000 vues sur Facebook. Imaginez, cela représente quasiment la moitié des Réunionnais. La vidéo de cette maman excédée qui corrige son fils a fait le buzz, mais surtout, elle continue de diviser. Beaucoup estiment qu'elle a humilié l'adolescent accusé de vol. D'autres lui donnent raison. Une centaine de personnes étaient d'ailleurs venues la soutenir hier devant le commissariat. La justice s'est en effet saisie de l'affaire. La mère de famille a été placée en garde à vue, libérée quelques heures plus tard. Elle sera jugé le 17 février. Mais que pensent les jeunes de cette affaire? On écoute quelques réactions. En fait, elle n'aurait pas dû l'afficher comme ça. Après, il le mérite. C'est grave, enfin, ça montre une mauvaise image d'elle en tant que mère. Après, si elle le fait, c'est pour montrer aux autres enfants que son fils a fait une connerie et qu'il ne fallait pas le faire. Et voilà. Ça donne une mauvaise image de la mère, en fait. Elle n'aurait pas dû divulguer ça sur Facebook. Ça ne se fait pas. Mais voilà, d'un sens, il mérite. Dans un sens, la mère a eu raison de corriger son enfant parce que de voler, c'est mal quand même. Mais elle est partie un peu fort là-dessus. Je pense d'un côté qu'elle a quand même raison. Enfin, c'est un peu de l'humiliation, mais dans un certain sens, je pense que ça lui fera pas de mal. Au moins, quand il sera dans la rue, il fera peut-être un peu moins le beau. Après, c'est vrai, je reconnais qu'elle a un peu exagéré de l'humilier un peu comme ça. Des réactions recueillies par Pierre Komorasamy. La mère de famille sera donc jugée pour violence et atteinte à l'intégrité d'une personne avec enregistrement et diffusion d'images. Elle a reconnu les faits. Son fils, lui, est convoqué le 26 octobre pour vol aggravé. Aux assises, deuxième et dernier jour de procès aujourd'hui pour Stéphane Bocage et Coralie Francombe. Le jeune homme de 26 ans est accusé d'avoir battu à mort le petit Kaylan, 2 ans. C'était en 2014 à Saint-Joseph. Après avoir reconnu les faits, il s'est rétracté hier et accuse désormais la mère. Coralie Francombe est poursuivie pour non-assistance à personne en danger. Elle encourt 5 ans de prison. Stéphane Bocage, lui, pourrait être condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Verdict ce soir. Près de 10 ans que les habitants du Sud attendent de leur multiplex. Les travaux pourraient débuter dans quelques mois à Pierrefonds. La holding Etev a acheté un terrain et le permis de construire sera étudié la semaine prochaine. Mais le concurrent Investissement et Commerce Cinéma n'a pas dit son dernier mot. Depuis 2008, les deux sociétés s'attaquent à coups de procédures judiciaires. Le tribunal de commerce doit d'ailleurs rendre une décision aujourd'hui dans une affaire de dénigrement. Latifah Ben Ziaten a terminé hier sa visite à La Réunion, invitée par le collectif Citoyen pour la Paix. Celle dont le fils a été assassiné par Mohamed Merah en 2012 a échangé avec les élèves du lycée Vubel de Saint-Gilles-Léo. Objectif, s'imprégner de cette image du bien vivre ensemble à La Réunion, mais aussi sensibiliser la jeune génération aux méfaits de la radicalisation. Latifah Ben Ziaten. C'est dommage d'arriver tombé dans cette radicale, surtout dans cette île magnifique. Les gens, ils ont pas de difficulté de vivre ensemble. Il faut aider cette jeunesse de pas tomber dans la radicale. Il faut les aider, il faut l'écouter, que ce soit ici ou ailleurs. Vous savez, aujourd'hui, un jeune, il peut se trouver en difficulté facilement. Et la pauvreté morale, la plus difficile. Alors, je dis à toutes les jeunes, pensez à votre vie. La vie, elle est précieuse et d'avancer. Et de jamais baisser les bras. Il faut continuer à pousser ces barrières qui vous bloquent, mais vous réussissez. Latifah Ben Ziaten au micro, Réunion Première de Delphine Poudroux. Nous reviendrons sur cette visite pleine d'émotions ce soir à 18h15 dans les coulisses de la visite de Latifah Ben Ziaten. 5h05 sur la première, la suite du journal, Florent Marot. Avec de la politique, le projet de loi sur l'égalité réelle est présenté depuis hier à l'Assemblée nationale. Un projet porté par la ministre des Outre-mer, Erika Barrage. Les députés doivent se pencher sur les 112 articles chargés de combler les retards sociaux et économiques des départements ultramarins. Mais si le texte était très attendu, il ne fait pas l'unanimité. Le PCR, le Parti communiste réunionnais par exemple, n'y croit pas. Les précisions de Philippe Ichonchikan, membre du parti. L'intitulé de la loi le montre bien, c'est une loi de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. Et bien, la majorité des articles concernent les dispositions en matière sociale et économique. Nous sommes d'accord sur ces dispositions, mais ce n'est pas l'ambition de la loi. L'ambition de la loi, c'est de corriger 70 ans d'inégalité depuis la non-application de la loi de mars 46. Peut-être que il y a des amendements en séance qui vont régler ses problèmes. Mais on n'y croit pas beaucoup. Elle a complètement perdu le sens, l'ambition d'atteindre l'égalité réelle d'ici à 20 ans. Philippe Ichonchikan, membre du bureau du PCR, interrogé par Priscilla Etev. Et parmi les mesures annoncées, il y a l'école obligatoire de 3 à 18 ans, l'alignement des prestations sociales sur la métropole également. On en reparlera avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Valérie Roux, la directrice régionale de l'INSEE. Au menu également les 70 ans de la départementalisation. Allez, on passe au sport avec d'abord du football et la Coupe des clubs champions de l'océan Indien. Ça se passe aux Seychelles. La Saint-Pierroise est sur place. Après leur victoire 4-1 lundi face aux Mauriciens du cercle de Joachim, les Cigognes affrontent cet après-midi la Passe FC, le champion seychellois. En cas de succès, les sudistes se qualifieraient pour la finale. Mais ça s'annonce compliqué, Patrick Ramoudou. La Saint-Pierroise s'attend forcément à souffrir cet après-midi puisqu'elle affronte la Passe FC chez elle. En plus, le match ne se joue pas à Victoria, stade synthétique qui a vu les Saint-Pierrois ne faire qu'une bouchée des Mauriciens, mais à Pralin. Les supporters seychellois devraient donc être en masse pour pousser leur couleur à la victoire. Mais même si les Cigognes sont en terrain miné, ils ont les atouts en main pour arracher cette qualification pour la finale. Des buteurs très affûtés comme Bouesso, Sophie et Loricourt, décisifs lundi. En plus, ils sont très motivés, surtout que les Saint-Pierrois n'ont jamais participé à cette Coupe des clubs champions de l'océan Indien, alors forcément, ils ne veulent pas rater ce premier rendez-vous. La Saint-Pierroise doit donc gagner pour se hisser en finale dès cet après-midi, et en cas de match nul, elle devra attendre vendredi et la confrontation entre Seychellois et Mauriciens. Alors, autant ne pas se mettre le doute dans la tête et gagner. Et coup d'envoi de ce match, Saint-Pierroise, la Passe FC à 15h. On termine avec la 7e édition du Salon du Livre Jeunesse de l'Océan Indien. Ce salon démarre aujourd'hui à la Halle des Manifestations du Port. La dernière fois, le salon avait attiré plus de 18 000 visiteurs, en majorité des élèves. C'est la fin de ce journal local. Place à l'actualité en France et dans le monde avec nos confrères de France Info. Et on parle de l'élection présidentielle en France ce matin. Bouvard. On ne sait toujours pas s'il sera candidat à l'élection présidentielle, mais Emmanuel Macron continue de préparer le terrain. L'ancien ministre de l'économie était ce mardi soir en meeting à Strasbourg et il a présenté l'ébauche d'un programme. Emmanuel Macron qui veut répondre, je cite, au malaise démocratique. Il souhaite donc plus de votes à la proportionnelle et la création d'une commission des citoyens pour contrebalancer le Parlement. Les membres de cette commission seraient choisis au hasard. Amazon redonne le sourire aux Hauts-de-France. Le géant de la vente sur Internet va créer 750 emplois d'ici 2020 dans la région. C'est une information de France Bleu Picardie. Amazon annonce la construction d'une nouvelle plateforme près d'Amiens. Ce sera la plus grande de France. Son site de Louvain-Planque près de Douai dans le Nord va quant à lui être agrandi. D'ici la fin de l'année en France, Amazon comptera ainsi 4000 salariés en CDI. Il était soupçonné de préparer un attentat. Un jeune homme de 18 ans a été mis en examen ce mardi soir. Il avait été interpellé vendredi dernier à Clichy. Les policiers ont découvert qu'il était en contact avec le djihadiste français Rachid Kassim via la messagerie cryptée Telegram. Il a donc été mis en examen pour association de malfaiteurs criminels en relation avec une entreprise terroriste. Cuba, frappé en ce moment par l'ouragan Matthew et ses vents de 230 km par heure et ses pluies diluviennes. Il a déjà fait plusieurs victimes sur son passage dans les Caraïbes. Au moins 4 morts en République dominicaine, 3 à Haïti ce mardi. Mais la situation reste floue car le sud d'Haïti est toujours coupé du reste du pays. Les États-Unis se préparent maintenant à l'arrivée de l'ouragan. La Caroline du Sud appelle notamment à l'évacuation d'environ 1 million d'habitants. 610 voix pour, 38 contre, ça y est, les eurodéputés ont ratifié l'accord de Paris sur le climat, le texte rédigé en décembre dernier lors de la COP21 et qui doit encadrer la lutte mondiale contre le réchauffement climatique. Déjà adopté par les principaux pollueurs de la planète, les États-Unis, la Chine et l'Inde, l'accord devrait maintenant être ratifié et entrer définitivement en vigueur. Au Royaume-Uni, nouveau revirement chez les europhobes de UKIP. À peine nommée il y a 18 jours, la présidente du parti, Diane James, démissionne. Elle évoque sur son compte Twitter des raisons personnelles et un manque d'autorité au sein de son parti. UKIP qui est devenue la troisième force politique britannique après avoir obtenu plus de 12% lors des législatives de mai 2015. Les Américains vont faire connaissance cette nuit avec deux candidats à la vice-présidence. Le républicain Mike Pence, gouverneur de l'Indiana, plutôt méconnu. Et le démocrate Tim Kaine, le sénateur de Virginie, ils vont se retrouver pour un débat dans quelques heures. Le seul entre ces deux hommes, un face-à-face beaucoup moins attendu que le deuxième débat Trump-Clinton, prévu dimanche prochain. 5h11 sur la première. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Et ben aujourd'hui, belle journée en perspective. Oui, ça, vous l'avez promis depuis la semaine dernière et certainement la plus chaude de la semaine. En tout cas, on va se réveiller avec un temps agréable, ensoleillé et doux le long des côtes et à peine frais dans les hauts, même si il fait peut-être un petit peu plus frais qu'hier puisque le ciel est étoilé et il y a très peu de nuages sur le département à 7h, à 5h11 du matin. Les formations nuageuses vont être assez tardives aujourd'hui le long des remparts, ce qui va nous donner donc très peu de nuages, hein, notamment sur les hauteurs. Les plus hauts sommets resteront dégagés. Ce sont principalement les hauts du sud-ouest qui finiront sous la grisaille, comme au Dimitil ou encore au Tampon, avec quelques ondées éparses par endroits. Le vent va souffler modérément. 50-55 km/h en baie de la Possession au port à Saint-Philippe et du côté de la plaine des Cafres, hein, sur les hauteurs exposées. Et les températures vont en profiter pour monter. On devrait atteindre les 30 degrés pour la première fois depuis longtemps sur l'ouest du département, voire les dépasser. Va faire chaud aujourd'hui. T'as intérêt, hein ? La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Grand matin avec Isabelle Waraud et Mickaël Lorette. Allez, bienvenue à tous. On est le mercredi 5 octobre déjà. Isabelle, oui, Tiff, on arrive le milieu de la semaine aussi. Ça va très vite. Ouais, aujourd'hui, ça coule. aujourd'hui, bien, cette date marque plein d'événements. D'abord, J-14 avant le Grand Raid. C'est pas possible déjà ? Oui, déjà. Eh oui, aïe. On se rappelle déjà encore de l'année dernière, hein, finalement. C'est ça. Ouais. Ah, je dis aïe, mais nous, on va pas courir dans les sentiers. Non, c'est pas nous. C'est on va pas craver assez la réunion, nous. Par contre, c'est course intense, cette diagonale des fous, vous la suivrez en radio, en télévision et sur Internet, dispositif exceptionnel pour cette 24e édition de la Diagonale des Faux. Oui, maman. Et on suivra, bien sûr, tout ça aussi, heure par heure, sur tous vos médias et aussi, bien sûr, sur vos smartphones. Hein. Bah oui, d'ailleurs, si vous participez à la course, si vous prendrez le départ, que ce soit la Diagonale des Fous, la Mascarene, tout ça, eh bien, vous n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Tiens, d'ailleurs, comme ça, on pourra prendre de vos nouvelles pendant la course. Ah bah oui, n'hésitez pas. Un petit message si le frère, le mari, il participe aussi. 70 2000 pour, eh bien, nous dire comment ça se passe 14 jours avant. Et avant, vous mettez le 06 92. On en parlera. Sinon, il marche pas. Avant 7h avec Jérôme Désiré dans l'appel réveil. Et puis aujourd'hui, c'est la naissance d'Actarus. Oh ! Bah oui, Goldorak. Bah oui, OT, c'était la première fois. L'épisode l'était diffusé un 5 octobre 75. Eh ben. Tu rends à toi compte ? Bah oui, mais j'étais pas né. Donc je m'en rends compte. Et moi non plus. Encore plus compte. Pour une et fois, toi non moi plus. Non plus. Bah voilà. Ça, c'est comme bien. Quoi, on n'est pas des dinosaures encore. C'est ça pas va. Si Prisca, t'es connais Prisca, ça. Elle était née, Prisca. Moi, j'étais bonjour. Née, moi. Ah. En fait, de l'équipe. Mémé. Ouais. Ouais, il faisait Goldorak, go. Sa mère. C'est ça. Rétro laser en action. Ouais. Mais écoutez, nous, on a mis notre laser en action. On est en direct du chaudron. Oui. Et on va parler du Grand Raid, d'ailleurs, parce que vous savez que la première féminine qui est arrivée au Grand Raid, je crois qu'elle s'appelle Alexandra Klein, c'est ça ? C'est ça. Oui. Et elle vend des salades avec son mari sur non. le marché forain. Ah bah oui, parce qu'ils plantent des salades, ils sont agriculteurs. Et en fait, on prendra la température d'Alexandra en direct sur le marché forain. Du chaudron. Bah oui, parce que pendant l'année, il faut bien qu'ils bossent. Hein, bah tu m'étonnes. Sinon, ouais. Quand ils ne font pas les grands raids. Je crois qu'ils s'entraînent dans les champs de salade. Oui, ouais. C'est possible. Et vous savez quoi, ils ont un petit déjeuner spécial. On en parlera. D'accord. Dans Très parce bien. Que pour dans les champs de salade, Allez. Là, c'est pas facile, oui. Tenir, hein. Alors, Prisca, quand même, c'est la seule qui peut nous relier le grand raid au marché. Hein. C'est ça. C'est pas mal. Hein. Disons Actarus. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Allez, Goldorak, go. À tout à l'heure, 6h moins le quart. Salut Prisca, à tout à l'heure. Dans les coulisses 2, le magazine de la rédaction. Les prières quotidiennes, c'est-à-dire... L'homme qui parle a passé plus de 10 ans au sein du groupe de prière. Énorme moyen déployé par les phasoïs afin de démontrer... Ce soir, la rédaction de Réunion Première vous emmène... Dans les coulisses 2, le magazine de la rédaction, les mercredis à 18h15 et vendredis à 12h15, sur Réunion Première. Première. Et il est 5h15 en toute la réunion. Oui. C'est le moment de retrouver notre chère Juliette. Et Gilda, de l'accueillir, de lui dire bonjour. Oh oui. Allez, vas-y, lance-toi, je sais qu'il y a un truc entre vous. Non, rien du tout. C'est vrai ? Ah, c'est fini, là. Ça y est, l'espérance, c'était en août. Hein. Foutu. Je vais attendre, je vais attendre l'année prochaine. On va voir s'il y a un peu plus de douceur dans sa voix avec toi. Bonjour Juliette. Bonjour, c'est mercredi. Nous fêtons les fleurs. Oh, c'est un très joli prénom, c'est très doux. Bonne fête, mesdames et mesdemoiselles. Nous sommes le 5 octobre. Tout de suite, retrouvons les prévisions astrales de la première. Bélier, vous semblez parfaitement épanoui. Taureau, votre horizon va s'éclaircir et deviendra particulièrement prometteur. Gémeaux, même si ce n'est pas dans vos habitudes, mettez la pression pour obtenir votre dû. Cancer, en solo, votre pouvoir de séduction agit pleinement. Lion, en cette journée, vous ne pourrez que vous écrier « Vive la nouveauté !» Vierge, vous vous réveillez et vous n'avez qu'une envie, être en accord avec vos rêves. Balance, si vous avez agi sans réfléchir aux conséquences, ce n'est pas étonnant qu'un effet boomerang vous revienne. Scorpion, vous allez laisser le travail au second plan quand cela s'imposera. Sagittaire, apaisez-vous, détendez-vous et prenez du recul. Capricorne, soyez bon perdant plutôt que de chercher à l'emporter à tout prix. Verseau, si vous continuez ainsi, vous allez perdre tous vos acquis à force d'avoir peur de manquer des occasions. Et Poisson, enfin, vous adorez changer de peau et vous tentez de nouvelles expériences. Bonne journée à tous. Merci, c'est bizarre quand même Merci de changer Juliette. De peau comme ça. Bah, il faut des fois, ça veut me dire où. Ouais. C'est vrai que ça peut être utile. Bon, on file sur les hippodromes. Ouais. On va à Auteuil aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, c'était plutôt le tiercé quartier casé plus hier. Voilà, et pour gagner hier à Auteuil, il fallait jouer le 12, l'As, le 3, le 2 et le 5. 12, As, 3, 2 et 5. Numéro plus gagnant, le 26-18. Eh bien, cet après-midi, on va prendre 17 chevaux. Ce sera le Grand Prix Anjou Maine. Et on va emmener tous ces chevaux, eh bien, sur l'hippodrome de Mellet du Maine. Il y aura 2875 mètres à parcourir, 1 million d'euros dans la tirelire. Voici les pronostics du Fouineur du Gire, partenaire Réunion Première, qui vous conseille le 13, le 8, le 10, le 11, le 12, le 9, le 7 et le 6. 13, 8, 10, 11, 12, 9, 7 et 6. Pour votre quintet, départ prévu 15h47. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas, pour que le jeu reste un plaisir, jouons. Responsable. Eh oui, on est reparti pour une nouvelle journée. C'est et ça. Et c'est vraiment un plaisir encore ce matin d'être là avec même vous. Même si c'est oui. difficile, que ça picote. Oui, c'est pas si simple que ça tous les matins. Que vous n'avez pas envie de quitter la couette. Mais aujourd'hui, ce sera une belle journée. Vas-y, redis-le, Mickaël. Ça sera une très belle journée. Belle journée, soleil, maillot. Et chaleur. Soleil voilà. Et chaleur. On va sortir effectivement le maillot de bain. Mais un petit béco d'abord. Jimmy Tov. Un petit béco pour réveiller. Un petit caresse pour me tourner. Des petits mots doux à mon doudou. Ça les doux dans le coin mon oreille. Sors dans mon rêve, donne mon sommeil. Puis rouvre les yeux, la nuit réveille. Couleur la sang, mon arc-en-ciel. Mon capri, mon rayon de soleil. Un petit béco pour réveiller. Un petit caresse pour me tourner. Des petits mots doux à mon doudou. Ça les doux dans le coin mon oreille. Sors dans mon rêve, dans mon sommeil, il rouvre les yeux, la nuit réveille, couleur la sang, mon arc-en-ciel, ça mon capri, oui mon soleil. Béco sale et doux, son big bisou, quand il dépense ainsi mon lèvre. Béco sale et doux, son big bisou, quand il dépense ainsi mon lèvre. Béco sale et doux, son big bisou. Quand il dépasse ainsi mon lèvre. Béco sale et doux, son big bisou. Quand il dépasse ainsi mon lèvre. Miguel Lazel. Oh Miguel Lazel. La rosée dit-il mon rein. L'odeur son corps tellement miem. N'a pas parfum, il est pareil. Yuk yuk mon cou frisson il dresse. Combien les doux m'y croient m'y laisse. Son petit bec rose passe si mon lèvre. C'est bien plus doux qu'un bonbon de miel. Moule dans mon dos glisse si mon pot. Comme la rosée dit-il mon rein. L'odeur son corps tellement miem. N'a pas parfum, il est pareil. Que mon cou frisson il dresse. Combien les doux m'y croient m'y laisse. Son petit bec rose bosse si mon lèvre. Est bien plus doux qu'un bonbon de miel. Béco sale et doux son big bisou. Quand il dépasse ainsi mon lèvre. Béco sale et doux son big bisou. Quand il dépasse ainsi mon lèvre. Béco sale et doux son big bisou. Quand il dépasse ainsi mon lèvre. Béco sale et doux son big bisou. Quand il dépasse ainsi mon lèvre. Miguel Lazel. Oh Miguel Lazel. Miguel Lazel. Oh Miguel Lazel. Excellent réveil avec nous, la réunion de Jimmy Tov avec Béco. Oh, oh là là. Goldorak, go. Prince de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre. Joyeux anniversaire, Actarus. Go, go. Joyeux anniversaire. Eh oui, c'était un à ce grand robot. Octobre 1975, première diffusion, mais attention, au Japon. Ah bah oui, de Goldorak. Il faudra manga, attendre hein. 1978 pour cette diffusion en France. Alors, il faut savoir que quand Goldorak sort au Japon, Et ben ça marche pas. Eh oui. Ben non. Ah oui, mais il y a tellement de dessins animés là-bas, des dessins animés japonais. Il y a tellement de héros tellement robots venant sauver la planète avec des méchants, des extraterrestres. Ça passe un petit peu inaperçu. Donc, Goldorak, quand en France, ils se disent tiens, qu'est-ce qu'on va passer comme dessin animé, tout ça. Ils se disent tiens, il y a celui-là qui vient de sortir au Japon, ça te dit pas, ça marche bof bof là-bas, on essaye ou pas? Et là, ils se disent bah, allons essayer, même si au départ, eh bien, le directeur d'antenne, il était pas chaud. Alors, il se dit bon, on essaye. Et là, carton plein en France. Ça a été un énorme succès. Oui, ouais. Alors gros carton en France, en Europe, au Québec, en Espagne également, dès 1978. En 79, il y a tellement de popularité pour ce dessin animé que la folie Goldorak eh bien, va même faire la première page, la couverture de Paris Match. Ah oui, mais ça, Parce que c'était vraiment c'était la folie. En 79. En 79, voilà, oui, c'est pour ça. C'est normal que tu t'en souviens pas. Tu n'étais pas encore de ce monde. Voilà, comme toi, d'ailleurs. Moi oui. Non plus. Bah non. Merci, oui, Internet est mon ami. Alors, la couverture, il s'est même rentré dans les mœurs. On dit aujourd'hui, enfin, à l'époque, on disait beaucoup de quelqu'un qui était d'un monsieur, qui était bien baraqué, qui était hyper costaud, etc. On disait pas que c'est un crooner, un lover, qui était swag. On disait c'est un Goldorak. Tu vois, pour te dire à quel point c'était rentré dans les mœurs. Il y a la voix du sud, ici on dit aussi de certaines personnes qu'elles sont un gueule d'arac. Mais c'est pas possible. Ça, c'était pas marqué sur Internet. C'est pas tout à fait pareil. Voilà, donc c'était vraiment la folie. Ça a été l'avènement du dessin animé japonais aussi, d'une certaine manière, notamment chez nous. Voilà. Parce qu'après, il y en a plein qui sont arrivés. Voilà, alors il faut savoir également que Goldorak, il y a eu plusieurs génériques. C'est pour ça que si vous cherchez générique de Goldorak, il y en a eu plusieurs. Un peu comme Columbo, la série. Et après, ça a changé dans la version, la première qui a été diffusée. Il y avait le mot race dans la version française. Aïe, aïe, aïe, la fin pataquès, l'a dit non, il faut réécrire d'autres paroles. Ils ont réécrit, c'était bof bof. Et puis finalement, la dernière en date, c'était celle interprétée par Bernard Minet. Oui, celle qu'on a écoutée tout à l'heure. Voilà. C'est ça. Pour Goldorak. Voilà, sinon, est-ce que tu as d'autres dessins animés quand tu étais né qui te rappellent des trucs? Il y a eu forcément les Chevaliers du Zodiac. Il y a eu un film l'année dernière. Oui, le film en 3D. Il manque au total plusieurs dizaines de minutes dans les épisodes de la version française, ça on le sait pas. Des passages qui ont été jugés trop violents à l'époque pour le club c'est vrai que Dorothée. C'était un petit peu gore des fois. Ouais, c'est sorti en 1988. Ça a été diffusé donc dans le club Dorothée à ce moment-là. La série s'est découpée en trois parties, rappelez-vous. Il y avait Sanctuaire, Poséidon et puis Hadès. Les trucs du froid et tout là. Voilà, ce sont les deux premières parties que l'on a connues en télévision quand on était enfant, Sanctuaire et Poséidon. Sanctuaire, c'est ce qui retrace la jeunesse des chevaliers. Oui, il faut passer dans les 12 maisons du zodiaque là. Avec les chevaliers d'or. C'est ça. Et il envoie donc 100 adolescents aux quatre coins du monde pour suivre un entraînement qui révèle les chevaliers de bronze. C'est ça. Chevaliers de bronze, oui, chevaliers de bronze plutôt que chevaliers d'or. Non, mais dans le sanctuaire, il passe dans les maisons où il y a les chevaliers d'or. C'est ça, mais d'abord tout ça. Mais nous, on voit l'histoire des chevaliers de bronze. Il y a Seiya, il y a Shiryu, il y a Yoga, il y a Shun, il y a Eki. Puis la partie la plus mémorable restera les combats donc des chevaliers de bronze contre les 12 chevaliers d'or pour sauver Athéna de sa blessure mortelle par une flèche d'or, chevalier du zodiaque. Allez, on se remet dans l'ambiance. Bernard Minet encore. Mais oui. Partout, bah oui. Bon, c'était dans le club d'eau, tout ça là. C'est donc c'est normal que ce soit Bernard Minet. Allez. Ça, c'est les bons souvenirs. Les chevaliers du zodiaque. Chantez dans ta salle de bain. Tac. Bien haut, c'est la chanson des héros. 62 ans, Bernard Minet. 62 ah bon, ans. Eh oui. Je croyais que le dessin animé, c'était il y a 62 ans. J'en ai un petit problème. Bon, est-ce qu'il y a un dessin animé qui t'a marqué, toi, Isa? Je suis sûr que personne ne le connaît. Oui. Allez, bon. Quoi? Non, c'est pas vrai. Donc, vous êtes en train connaît. De nous écouter. Écoutez ça, écoutez ça. Être plus grand, faut partir en avion, en volant, La voix du studio. Ok, voilà. Je sais, il connaît pas la voix du studio. Allons ensemble nous promener. Bon, en fait, c'est Clémentine. Il est ton ami qu'on a. C'est quoi Clémentine, Isa? Oh, c'était ce dessin animé, Clémentine. Oui. Un super dessin animé, d'accord, qui était chanté donc la bande originale par Marie Dauphin, cette petite fille paralysée qui, le soir, eh bien, elle pouvait, dans sa bulle, aller aider, rencontrer d'autres enfants du bout du monde. Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec ce générique Clémentine, c'est que, Mickaël, il y a un point commun entre Bibi Fock, Lady Oscar ou Clémentine. Lequel ? Lequel ? Eh bien, c'est la personne qui a écrit le générique de cette chanson. Vous savez qui c'est ? Non. C'est le même qui a écrit Lucky Luke et qui chantait Lucky Luke. Antoine de Caunes. Ah, Antoine de Caunes. Oui, ouais, comme quoi. Comme quoi, voilà. Oui. Lady Oscar, Bibi Fock, Lucky Luke, tout ça, eh bien, c'est signé Antoine de Caunes. Antoine de Caunes, notamment, qui a été connu, révélé par Nulle Part Ailleurs, et puis maintenant qui fait des émissions sur la chaîne cryptée. Ça même, mais il a commencé par chanter Lucky Luke. Voilà, on s'est rappelé au bon souvenir de notre enfance, et tout à l'heure, avant 6h, on jouera avec les génériques de dessins animés, forcément. Bah oui, on jouera au mixeur pour vous faire gagner les toutes dernières invitations pour le 7 octobre prochain. Ouais. Enfants Zihua, le concert avec l'Indigo et Désiré François. Qui nous viennent du Grand Nord, là-haut, là où il fait froid, les Norvégiens de Madcon, avec Begin sur première. Il est 5h30. C'est l'heure du journal sur la première. Cécile Thomas, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël, bonjour à tous. Des coups de ceinture en direct sur Facebook. Une mère de famille fait le buzz sur Internet avant de se retrouver face à la justice pour violence. L'histoire divise La Réunion. Une correction de parents bien méritée ou de graves violences filmées et diffusées. La justice tranchera en février prochain. La loi sur l'égalité réelle, elle aussi, divise. Le texte était présenté à l'Assemblée nationale hier à Paris. Le PCR ne croit pas que cette loi changera les choses dans les régions d'outre-mer. Latifa Ibn Ziaten et son message contre la radicalisation. Elle était hier au lycée de Vubel à Saint-Gilles. Reportage dans ce journal. Et puis recherche apprenti désespérément. La campagne d'apprentissage se poursuit jusqu'au 15 novembre. Certains ne trouvent pas de patrons. Certains patrons ne trouvent pas de jeunes. C'est donc une affaire qui divise. La Réunion, choquante, les images de la mère de famille qui frappe son fils à coups de ceinture sur Facebook. Choquante pour certains, mais pas pour tous. Vous êtes aussi nombreux à saluer le courage de cette maman qui corrige son fils soupçonné de vol aggravé. Après le buzz sur les réseaux sociaux, la mère de famille a été placée en garde à vue hier. Pour la justice, il s'agit de violences caractérisées. Rappel des faits avec Pierre Komorasami. C'est une convocation du tribunal pour la comparution de son fils devant les juges qui est l'élément déclencheur. Lorsqu'elle reçoit le courrier, la mère de famille entre dans une colère noire. Face à la caméra, elle va lui donner une bonne correction, une correction qui sera largement partagée et commentée par les internautes. Une fois sa colère retombée, la maman poste une autre vidéo dans laquelle elle se justifie. C'est pour dire de monde, oui, ma mère sur Facebook-là. C'est vrai, une fois qu'on est sur la colère, ou maintenant la fait sur le mur, parce que, ouvertement, tout le monde m'a dit qu'il faut arrêter de faire la connerie. Mais remercie tout le monde qui l'a envoyé mon message. Mais, Nena, être allé là, pas compris le message. Le message, c'est pas de rabaisser mon enfant. Le message, c'est pas de mon quatre mon maman. Une femme qui confie sa détresse face à un enfant qui glisse peu à peu sur le chemin de la délinquance. Moi, un moment blessé, fatigué. M'a fatigué parce que m'a pas envie de mon maman retrouver ses métiers. M'a pas envie de mon maman retrouver en prison. C'est pour ça, m'a couru j'allais. Si m'a fait ça, c'est parce que il date pas d'aujourd'hui que m'a poussé d'y aller arrête. Parce que, ouais, quand ouais, une maman, il vole, c'est un fait. Mais quand Ouad Mahamay commence à taper de monde. Son fils, placé en foyer, fugue régulièrement et il multiplie les délits. Le 26 octobre prochain, il devra répondre de vol aggravé devant le tribunal. Sa mère, qui se dit complètement désemparée, a voulu le faire réagir, le ramener dans le droit chemin. Mais elle est peut-être allée un peu trop loin et c'est maintenant à la justice de se prononcer. Effectivement, et la mère de famille a été remise en liberté hier soir. Elle était attendue par de nombreux soutiens. Elle devra s'expliquer devant le tribunal le 17 février prochain pour deux délits. Elle est poursuivie pour violence avec arme et enregistrement et diffusion d'images qui portent une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne. Son fils a également été entendu hier. Il est retourné dans le foyer dans lequel il avait été placé. Les soutiens de la mère de famille ont lancé une pétition sur Internet pour que toutes les poursuites soient abandonnées. En bref, aux assises, la cour cherche à savoir ce qui a conduit à la mort du petit Kélan. L'enfant qui avait moins de 2 ans aurait succombé au syndrome du bébé secoué. Son corps portait aussi des traces de nombreux coups. Son tipeur Stéphane Bocage nie les coups et accuse la mère de l'enfant, qui est aussi poursuivie pour ne pas avoir protégé son bébé. Dans l'actualité également, le projet de loi sur l'égalité réelle. Le texte était présenté hier à l'Assemblée nationale. 112 articles sur lesquels doivent se prononcer les députés. Il s'agit de réduire les écarts entre les départements d'outre-mer et ceux de l'Hexagone. Une démarche vertueuse à laquelle ne croit pas le PCR pour le Parti communiste réunionnais. Cela fait 70 ans que les inégalités entre la Réunion et la métropole existent. Il ne voit pas comment elles pourraient être gommées en 20 ans avec ce nouveau texte, Priscilla Etève. Pour le Parti communiste réunionnais, aucun amendement dans ce projet de loi n'évoque des problématiques de fond, comme par exemple l'avenir de la filière canne avec la fin des quotas sucriers annoncés pour l'année prochaine. Elle entraînerait la ruine des planteurs et la disparition d'une filière qui compte 18 000 emplois, alerte le PCR. Autre point passé sous silence, les accords de partenariats économiques. Ces accords qui permettent aux pays de la zone Afrique-Caraïbe d'exporter sans taxes dans l'Union européenne provoqueraient sans nul doute la mort du tissu économique de la Réunion. Dans ce texte, rien non plus sur le changement climatique, constate le parti, et encore moins sur l'alinéa 5 de l'article 73 de la Constitution, autrement dit sur le paragraphe qui interdit aux collectivités locales de légiférer et d'adapter des lois comme en métropole. Si ces problématiques ne sont pas abordées à l'Assemblée nationale, alors la loi dite d'égalité réelle ne peut pas atteindre ses objectifs avant même qu'elle ne soit votée, estiment les membres du PCR. Priscilla Etève. La campagne de recrutement des apprentis se poursuit. 60% des objectifs ont pour le moment été atteints. Patrons et jeunes ont jusqu'au 15 novembre pour se mettre d'accord. L'apprentissage, c'est l'un des volets phares du plan de lutte contre le chômage des jeunes voulu par François Hollande. Mais il a bien du mal à décoller. Près de 400 000 contrats sont signés chaque année au niveau national. On est loin des 500 000 espérés pour 2017 par le président de la République. À La Réunion, plus de 4 000 jeunes se lancent dans cette voie. Ce type de formation nécessite un fort investissement humain de la part du patron, mais aussi de la part du jeune. C'est l'avis de Morgan Chenet, il est coiffeur. Il travaille avec des apprentis depuis 16 ans. On lui explique, on lui montre, il y a une part d'observation qui est... le jeune doit quand même bien regarder comment on fait pour accueillir une cliente, c'est pas forcément le côté technique, et un côté aussi où le comportement du jeune doit un peu se copier-coller avec celui de son patron, quoi. Je pense que c'est un petit peu comme à chacun, si on a un mur à peindre et qu'on a envie de le faire, on va prendre tout le soin et puis on va vraiment bien le faire, tandis que si on n'a pas trop envie de le faire, ça sera mal fait, quoi. Apprendre un métier, c'est un petit peu ça. Si vraiment on a envie de faire ce métier, ça va beaucoup plus rapidement. Morgan Chenet, coiffeur gérant au micro de Lise Ourdel. La campagne de recrutement des apprentis dure jusqu'au 15 novembre donc. 5h37 sur la première, la suite du journal, Cécile Thomas. Une dernière journée de rencontres et d'échanges pour Latifah Benziaten. Hier, elle a de nouveau évoqué la disparition de son fils tué par le terroriste Mohamed Merah en mars 2012 à Toulouse. Depuis, elle prône le dialogue et lance des messages à tous ceux qui se laisseraient tenter par la radicalisation islamiste. Hier matin, elle se trouvait avec les élèves du lycée Vubel à Saint-Gilles-Léo, Delphine Poudroux. Son fils a été assassiné par Mohamed Merah. Et aujourd'hui, Latifah Benziaten raconte ce qui lui est arrivé avec la même émotion. Puis s'il n'a pas compris, il m'en fait s'il lui dit « tire, mais je ne me mettrai jamais à jour ». Et Mohamed Merah, il a tiré la première balle, il a fait quelques pas, et mon fils est tremblé, et il est revenu, il a rajouté une deuxième. Il lui a dit « Allahu Akbar ». Il est parti. Face à elle, un auditoire bouleversé jusqu'à la fin. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui a ce vécu, et ça m'a beaucoup touchée. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous ? Elle est très courageuse de ce qu'elle fait et c'était vraiment intéressant. Elle nous a arraché des larmes. C'est une femme qui aurait pu tomber dans la violence, tout simplement. Mais aujourd'hui, pas de colère pour Latifah Benziaten. Juste ce message, dites non à la radicalisation. Un message entendu par les jeunes réunionnais. Moi, je trouve qu'ils ont tort. Hein. Eux, ils pensent qu'à eux et ils ne voient pas ce que les autres après peuvent subir. Après, on va perdre des gens. À mesure des gens vont se convertir et tout, et puis on va tout perdre, c'est pas bon. Des jeunes, surtout conscients du précieux vivre ensemble que leur offre leur île, sans barrière religieuse ni ethnique. Un reportage de Delphine Poudroux. Après Marseille, Paris, Roubaix, Lyon et Le Havre, l'Agence pour l'éducation par le sport lance son dispositif Déclic sportif. À La Réunion, Déclic sportif, c'est un programme d'insertion professionnelle destiné aux sportifs. Hier, le dispositif a été présenté et un appel a été lancé aux entreprises et aux associations sportives. La première promotion devrait voir le jour dès le mois prochain. Une quinzaine de jeunes seront concernés. Comment ça marche ? Élément de réponse avec Fred Avril. Il est l'un des référents locaux. Le programme va être très riche autour du sport. On a un prof de sport qui va régulièrement les préparer sur les valeurs travail et sur le savoir-être. On va renforcer tout ça. Mais le but, c'est effectivement de casser un petit peu les critères de recrutement que les entreprises prennent habituellement, sachant qu'on va leur amener des personnes qui sont capables d'occuper ces emplois sur la base des compétences individuelles développées et qu'on amène effectivement un process de formation technique, bien évidemment en lien avec l'entreprise et un organisme de formation par la suite. Alors, ce sera des contrats de professionnels. Professionnalisation certainement dans un premier temps, mais l'objectif c'est de faire des contrats à durée indéterminée. Et il y a certaines entreprises qui sont prêtes déjà à s'engager sur des CDI. Mais bon, il faudra certainement passer par de la professionnalisation avant certainement. Fred Avril qui répondait à Pierre Komorasamy. Merci Cécile, à tout à l'heure. L'information revient à 6h avec Florent Marot. 5h40 sur la première. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Où qu'elle est cette belle journée de soleil ? Elle est là, elle n'est pas là, Michael. Mais si, elle va arriver. Enfin, le soleil, il faut juste lui laisser le temps de se lever. Oui, il est en train de le faire. On est pressé, au progressivement, les premières lueurs du jour sont déjà là. Et il est vrai que aujourd'hui, nous allons assister certainement à la plus belle journée de la semaine, voire à la plus chaude, avec des formations nuageuses qui arriveront tardivement et qui intéresseront surtout les hauteurs du sud-ouest. Le tampon ou encore la région du Dimitil avec quelques ondées éparses possibles sur ces régions. Partout ailleurs, alternance de passages nuageux et d'éclaircies cet après-midi. Après le grand soleil du matin, les rafales de vent vont quand même souffler en baie de la Possession au port, à Saint-Philippe et à la Plaine des Cafres, de quoi radourcir un tout petit peu l'atmosphère qui sera plutôt chaude aujourd'hui, puisque sur certains endroits du littoral, on pourrait atteindre les 30 degrés, oh là là, voire les dépasser. C'est presque l'été, mes amis. Mmh. On va en profiter. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Et nous, on va vous offrir 20 euros de fraîcheur maintenant dans c'est vos assiettes. Ah bon ? Avec Espace Fraîcheur. Ah bon ? Ça se passera après 6 heures, oui. Mais d'ici là, bien sûr, on vous offrira vos places de concert pour Enfants Zillois avec l'Indigo et Désiré François. Plus 3 heures de show. Là, on va craser Maloya, les gars. C'est ça. Ah, surtout, oui. Faut se dépêcher parce qu'après, il n'aura plus. Hein. Allez, c'est bon. Dans un instant. Commencez à appeler 0262 99 2000. Même si des fois la vie donne pas l'espoir, il faut pas pour salir sur le trottoir. Et puis, crois-moi, la vie, c'est Jessica Percé, Yin Yang, sur Première. Zatiam devinette, devinez. Que ça, les gratuites. Les zones 5 à couvert VA et Asperazade dans notre pharmacie, ils ne peuvent pas s'en passer, citant tellement les gaillards pour la sécurité de toutes. Alors, que ça, il est. Ben oui, si le petit bac ou en sieve pour traiter tout ça qui pique, aiguilles, seringues, sang lancette, sac pour contrôle diabète là. Si vous faites autre soin ou tout seul, et si vous voulez connaître un peu plus comment prothèse à ou sans votre famille, viens voir sur dastri.fr. D-A-S-T-R-I, Dastri, ou en sieve, outri et ni ramasse. CarWest informe ses usagers que son réseau de lignes régulières évolue. Pour toute information, www.carwest.re ou le numéro Azure 0810 45 65 20. La région Réunion lance le Pop Nouvelle Génération. Let's go! Le Pop 2. Pop 2. Et en seconde ou apprenti, dès le mois d'octobre, ton bon pop est disponible pour l'achat de ton ordinateur portable. Tu peux aussi bénéficier d'une connexion Internet. Pop 2. Sous condition de ressources. Comment obtenir ton bon pop 2? Retrouve toutes les infos et les critères d'éligibilité à la connexion Internet sur le www.régionreunion.com. Envie de booster votre carrière? Le diplôme universitaire gestion des ressources humaines de l'IAE. Faites évoluer vos compétences et ouvrez-vous de nouvelles perspectives. Une formation courte en cours du soir, à partir de Bac plus 2, DU GRH de l'IAE. Renseignez-vous et candidatez maintenant sur www.iae-reunion.fr. IAE, l'école universitaire de management. Première. Allez, tous ensemble, on file au chaudron. Tous ensemble, ouais. Ouais. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Et on est encore plus nombreux parce qu'autour de Prisca, il y a beaucoup de monde. Ah oui, et puis l'ambiance comme ça, ils les connaissent, ils la connaissent les clins, les coureurs du Grand Raid. Coucou, Prisca. Absolument, absolument. Et il fait déjà jour sur le marché forain du Chaudron. Ben, voilà. Nous avons retrouvé Miko Klein, bonjour. Bonjour. Elle est où, Alexandra Klein? Alexandra, elle est à la maison, elle emmène les enfants à l'école avant de venir sur le marché. Elle arrive un petit peu plus tard, Alexandra. Voilà, exactement. Elle arrive vers 7h, 7h30, le temps d'emmener les enfants et après aller sur le marché. Donc grosse performance pour Alexandra l'année dernière, puisqu'elle est arrivée première en local, bien sûr, féminine sur le Grand Raid. Voilà, vu le plateau l'année dernière, elle a fini 5e au général féminine et 48e au général dans tout le garçon, fille confondu, et elle finit première locale. Donc pour nous, c'est une super performance parce que avec les armes qu'on se bat, on est vraiment des amateurs. Donc nous, on est content de ce qu'on a fait. Voilà. Miko, vous coachez Alexandra Klein, votre épouse, mais vous-même, vous faites aussi le Grand Raid ou pas? Mais coacher, c'est un grand mot. Nous, moi et Alexandra, on est tous les deux, on se soutient. On a Alexandra peut me conseiller comme je peux la conseiller. Donc, c'est l'amour qui coach. Voilà. Donc il n'y a pas de coach, c'est pas vraiment coach. On dit c'est un mot comme ça, mais on court tous les deux et on aime le sport, c'est pour ça. On est tous les deux tous les week-ends dans les sentiers et puis on aime ça quoi. Et en 2012 pour vous, qu'est-ce qui s'est passé sur Grand Raid? En 2012 c'était j'ai fait une tentative en 2011 et j'étais blessé. Donc après en 2012 j'ai fait 6e au général et premier local et je m'attendais pas et c'était vraiment super. Et la question que tout le monde se pose, comment as-tu fait pour faire ça? Comme il vient de dire tout à l'heure, là, l'amour, la plaisir, motivation. Le plaisir, voilà, c'est on est motivé parce qu'on aime, c'est tout. Parce que si on n'aime pas, pour faire des distances comme ça, on n'y va pas. Hein. Et à 15 jours du Grand Raid, comment se porte Alexandra? Alexandra, elle est en super forme, on s'est entraîné pour faire la course, elle n'est pas blessée déjà, c'est bien, d'arriver sans blessure déjà, c'est bien, et après, la course, comme on dit toujours, nous on se fixe des temps, et après quand on est dans les temps, si on fait premier, deuxième, troisième, quatrième, même dixième, c'est super. Et Alexandra et vous vous entraînez dans les champs de salade ou quoi? Non, pas dans les champs de salade, mais dans les champs de canne, oui. Tu vois? Donc c'est quoi l'entraînement dans la journée? Comment ça se passe? Parce que vous avez un régime particulier apparemment. Vous ne mangez pas de sucre avant 16 heures. Non, parce que nous, on fait ça fait pas longtemps qu'on fait, ça fait maintenant 2 ans qu'on fait la chrononutrition. Donc, c'est quoi, là? La chrononutrition. En fonction de l'heure. Voilà, on mange, mais après, on respecte pas vraiment pas tous les week-ends. Parce qu'après, on a des repas galas, on a des trucs. Quand on est invité, on fait pas attention à ça, mais sinon on essaye de suivre à la lettre. Quoi. Donc pas de café, pas de thé, le matin, tu te lèves, tu manges quoi? Si, un café sans sucre. Et après on mange du pain, ça peut être avec du jambon, des œufs, du fromage, des choses comme ça. Mais c'est dur de pas tenir, de pas manger de sucre avant 16 heures là. Non mais après quand on est habitué, c'est facile quoi, c'est pas compliqué. Ouais. C'est le début est plus difficile parce que c'est vrai qu'on est habitué ici surtout à La Réunion à manger sucré le matin. Et comme on en parle justement du diabète dernièrement, des trucs comme ça, on se rend compte que les Réunionnais mangent trop de sucre quoi. Donc on va manger des salades alors. Pourquoi pas, il y a moins de sucre. En plus, juste en face de moi, il y a une petite salade là, c'est quoi comme salade, Amico? C'est la sucrine. Ouais. Ouais, c'est une très bonne, bien paumée, une très toute bonne petite, petite salade, excellente. Et puis il faut mélanger la salade à nous, c'est pour ça qu'on fait plusieurs variétés. C'est pour mélanger la salade et puis avoir un beau bol de salade. Quoi. Et nous, on mange souvent le soir la salade. Prenez-en une petite, Prisca, ça vous fera du bien. Merci. Voilà. À tout à l'heure, Prisca. Merci, Prisca. À tout à l'heure, les amis. Merci, Miko Klein. Merci, Miko. Merci, bonne journée. Les fous sont aussi dans les champs de salade et sur les marchés. Et dans le champ de canne. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Les fous du Grand Raid, bien sûr, on est bien d'accord. Remarquez, il y a des fous partout, il y en a même un qui est il avec est là, nous. DJ Fou, tous les pour le mixeur. Allez DJ Fou, qu'est-ce que tu nous as mixé aujourd'hui? Eh bien j'espère que c'est facile. Ah bah oui, les génériques de dessins animés. Quoi, Goldorago? Les génériques de dessins animés. Alors tendez bien l'oreille, on va vous aider. Donc commencez à appeler, on va vous aider de toute façon si vous entendez pas bien. Ce sont de vieux génériques des années 80, donc forcément les sons sont d'époque. Pardon, ils sont d'époque. Voilà, c'est mieux. Parce que sinon, ceux qui sont plus âgés aujourd'hui vont dire qu'ils sont tout pourris eux aussi. Mais voilà. Oui, mais les pourris n'a 25 ans, le son, oui. L'été, ce que l'été. Bah oui, c'est ça. C'est voilà. Ça. 0262 99 2000. Eh bien, vous appelez et vous gagnez ce matin vos deux places, ouais. Pour Enfants Zillois, le concert événement vendredi, que toute la Réunion attend. Mixeur. Ulysse. Voilà, là c'est facile. Hein. Trop dur. Le titre est dedans. Ulysse revient. Ça c'est le premier. Oh. Oh, le chien et son petit et le petit garçon. Belle. Ça c'était un bel dessin animé. Ça. Un bel dessin animé. Alors. Eh ouais. Allez, on va du côté du standard maintenant. Bonjour. Salut, salut. Bonjour. C'est qui? C'est Joël. Bonjour salut, Joël. Joël, elle vient d'où? De Saint-Denis. De ? Alors on n'a pas bien compris. Saint-Denis. De Saint-Denis, Saint-Denis. Parce que le téléphone est aussi d'époque, oui. Comme le générique. Faudra remasteriser bon. Tout ça, ma chérie. Joël, alors à votre avis, dites-nous. Alors, mon groupe est Ulysse. Enfin, vous pouvez dire n'importe quoi, de toute façon, on va dire pas. Oui, hein, parce qu'on n'entend pas. Hein. Et retourne donc, le Ulysse. Téléphone, parle voilà. Pas dans le bon sens là, non ? Alors ouais, bougez plus. La ouais. Bougez plus trop. Alors Ulysse 31, ouais, effectivement. Et Belle et Sébastien, le chien blanc, le voilà. Grand chien blanc. Et voilà. Ben voilà, bah oui. Félicitations Joël. Merci. Même avec un mauvais téléphone, vous gagnez votre cadeau ce matin. Les toutes dernières invitations pour le concert Enfants Zillois. Ce sera vendredi soir au petit stade de l'Est, Cassia Lindigo, toutes les poux. Et Joël, envoyez-nous les photos. Hein. C'est bon? Bon. Ok. Bisous, merci. Bisous. Salut Joël. Bisous. 5h53, voici les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Réunion Première vous fait part du décès de Madame Boyer, Louise, Inès, dit Inès. Madame Boyer, Louise, Inès, dite Inès, le décès est survenu hier à l'âge de 79 ans. Le convoi mortuaire sortira de la chapelle ardente de la Plaine des Cafres. La bénédiction aura lieu à 16h à la chapelle, suivie de l'inhumation au cimetière de la Plaine des Cafres à 16h30. Décès de Monsieur Turpin Léon Antoine. Monsieur Turpin Léon Antoine, décès survenu hier à l'âge de 80 ans. La veillée mortuaire se fait à son domicile, numéro 31, boulevard Le Neveu, RPA Cayenne, à Saint-Joseph. La bénédiction aura lieu aujourd'hui à 16h, en l'église du Butor à Saint-Joseph, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Joseph-Ville. Décès de Vabois Régine. Décès de Vabois Régine. Le décès est survenu lundi à Saint-Paul. La bénédiction aura lieu au centre funéraire de Prima demain. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire de Prima donc demain jeudi. L'inhumation aura lieu au cimetière de l'Est. Décès de Madame Marboine et Séraphin Marie Georginette. Madame Marboine et Séraphin Marie Georginette, dite Rachel. Le décès est survenu hier à l'âge de 63 ans. Un recueillement se tient à son domicile 10 rue Eugène Whistler à Grande-Fontaine à Saint-Paul. La bénédiction aura lieu aujourd'hui à 16h en l'église de Saint-Paul, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Gilles-les-Bains. Décès de Monsieur Rodès Joseph Raymond. Monsieur Rodès Joseph Raymond, le décès est survenu hier à l'âge de 66 ans. Le convoi mortuaire sortira de chez son frère Rodès Christian au 251 rue Bois-Rouge à Cambuston à Saint-André. Aujourd'hui, à 15h, la bénédiction aura lieu en l'église de quartier français à 15h30, suivie de l'inhumation cimetière de Saint-André. Décès de Madame Série Christine. Madame Série Christine, le décès est survenu hier à l'âge de 43 ans. Le convoi mortuaire sortira de la chapelle ardente du Tampon aujourd'hui à 11h. La bénédiction aura lieu à la chapelle à 10h. L'inhumation au cimetière du Tampon. Décès de Monsieur Séverin Joseph Norbert. Monsieur Séverin Joseph Norbert, le décès est survenu hier à l'âge de 65 ans. Le convoi mortuaire sortira du domicile 13 chemin Ibar à Tanrouge Saint-Gilles-Léo aujourd'hui à 13h30. La bénédiction aura lieu en l'église Saint-Pidis de Tanrouge à 14h, suivie de l'inhumation au cimetière de Tanrouge. Décès de Madame Bourgogne, Marie-Bertha Lucienne. Madame Bourgogne, Marie-Bertha Lucienne. Le décès est survenu lundi à l'âge de 94 ans. Le convoi mortuaire sortira du 62 rue Tempête d'Or au tapage à la rivière Saint-Louis aujourd'hui à 10h30. La bénédiction aura lieu en l'église de la rivière Saint-Louis à 11h, suivie de l'inhumation au cimetière de la rivière Saint-Louis. Décès Madame Comtois, Marie-Rachel née Philippe. Madame Comtois, Marie-Rachel née Philippe, épouse de Monsieur Comtois Robert. Le décès est survenu hier à l'âge de 92 ans. Le convoi mortuaire sortira du 81, route du Vieux Flamboyant à Saint-Gilléau, aujourd'hui à 14h30. La bénédiction aura lieu en l'église de Saint-Gilléau à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière du Guillaume. Réunion première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Mickaël, des infos pratiques pour aujourd'hui ? Pas d'eau pour les secteurs suivants. A, au tampon, RN3, partie comprise entre le 11e kilomètre et le rond-point. Chandelle, rue Roland-Garros, Gilberto, du Père Rognard, du Général de Gaulle, du Tampon et de la République. La remise en eau se fera des achèvements des travaux, on l'espère, le plus tôt possible. Le TCO vous invite à faire part de votre avis lors de l'enquête publique sur le schéma de cohérence territoriale de Scott West. Rendez-vous sur www.tco.re ou sur les lieux d'enquête jusqu'au 14 octobre. Un commissaire enquêteur vous accueille également dans les permanences au TCO. À la mairie centrale de la Possession, celle du port de Trois-Bassins, de Saint-Leu et de Saint-Paul, et les mairies annexes de Plateau-Cailloux et de Piton-Saint-Leu vous accueillent également. Laurent Marot arrive ici. Eh oui, pour le journal de 6h. Toute l'actualité de ce mercredi 5 octobre. Vous saurez tout, c'est promis. Bon début de journée avec nous, vous êtes dans Grand Matin. C'est bien. Benoît Clessol. J'ai pas le regard de Spike Lee. J'ai pas le génie de Da Vinci. J'ai pas les pieds sur terre, la patience de ma banquière. J'ai pas ces choses-là. Vous êtes hors du commun, vous aussi. Vous nous écoutez chaque matin et ça nous fait du bien. Oh que oui. Merci à vous d'être avec nous. Bon réveil. Florent Marot est arrivé. Il est 6h sur la première. Et s'il est 6h, c'est que c'est l'heure du journal. Florent Marot, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. 10 ans, cela fait presque 10 ans que les sudistes attendent leur multiplex. Eh bien, les travaux pourraient débuter dans quelques mois à Pierrefonds. Moréfilm a acheté un terrain, mais ICC n'est jamais loin. Le tribunal doit se prononcer aujourd'hui dans une affaire de dénigrement. Précision à suivre. Elle a été vue plus de 350 000 fois sur Facebook. La vidéo de cette maman qui corrige son fils a fait le buzz et continue de diviser. Une centaine de personnes étaient hier devant le commissariat pour soutenir la jeune femme. Placée quelques heures en garde à vue, elle doit être jugée le 17 février prochain. Le projet de loi sur l'égalité réelle outre-mer est présenté depuis hier à l'Assemblée nationale. Un projet chargé de combler les inégalités. Mais voilà, le PCR n'y croit pas. Pourquoi ? Réponse dans ce journal. Et puis on parlera tout à l'heure de sport avec du foot et la Coupe des clubs champions. Mais surtout avec le dispositif Déclic Sportif, un programme d'insertion. Ils sont deux, Moré Film et Investissement et Commerce Cinéma. Tous les deux veulent implanter un multiplex à Saint-Pierre et ça dure depuis 2008, bientôt 10 ans et toujours rien. Ou plutôt si, une guerre d'usure et des procédures judiciaires. Finalement, les travaux pourraient démarrer l'an prochain. Moré Film a acquis un terrain à Pierrefonds. ICC a porté plainte, le tribunal devra trancher. Et ce ne sera pas la première fois, loin de là. Aujourd'hui, le tribunal de commerce doit se prononcer dans une affaire a priori sans gravité, mais qui symbolise bien, Stéphane et Nilorak, la guerre que se livrent les deux sociétés de cinéma. L'affaire remonte à avril 2015, au moment de la sortie de Fast and Furious 7. Moré Film se sert d'une image du blockbuster américain pour annoncer la tenue d'une soirée de promotion. Problème, les droits d'image du film appartiennent à Investissement et Commerce. ICC qui remonte l'information aux partenaires de cette soirée prévue à Ciné-Combé. Une manœuvre de dénigrement accuse la holding Netev et qui porte donc plainte devant le tribunal de commerce. La famille Drodkowski, elle, assure simplement protéger ses droits. Une banale affaire de relations entre deux partenaires commerciaux selon l'un des avocats d'ICC. Et sauf que depuis 2008 et le début de la concurrence frontale entre les deux sociétés pour la construction d'un multiplex dans le sud, la banalité est devenue une routine. Refus de louer des films, retard dans les livraisons et attaques en tout genre. On ne compte plus les affaires. Et si la solution était d'accorder un permis de construire aux deux groupes, peut-être que là, tout le monde serait enfin satisfait. Et concernant le terrain de Pierrefonds, ICC s'estime lésé car il proposait plus d'argent pour la même parcelle. La société dirigée par Frédéric Drotowski a donc porté plainte contre la Civis. Son président Michel Fontaine affirme aujourd'hui que tout a été fait dans les règles. Elle sera jugée le 17 février prochain. La maman qui a corrigé son fils sur Facebook a été placée en garde à vue hier avant d'être libérée quelques heures plus tard. La vidéo en tout cas a fait le buzz et continue de diviser. Une centaine de personnes étaient devant le commissariat hier pour soutenir la jeune femme. La justice s'est en effet saisie de l'affaire. La mère de famille est poursuivie pour violence et atteinte à l'intégrité d'une personne avec enregistrement et diffusion d'images. Elle a reconnu les faits. Son fils lui est convoqué le 26 octobre pour vol aggravé. Aux assises, deuxième et dernier jour de procès aujourd'hui pour Stéphane Bocage et Coralie Francombe. Le jeune homme de 26 ans est accusé d'avoir battu à mort le petit Kaylan, 2 ans, c'était en 2014 à Saint-Joseph. Il ne supportait plus, semble-t-il, la présence de l'enfant. Après avoir reconnu les faits, Stéphane Bocage s'est rétracté hier et accuse désormais la mère. Pourquoi ce changement d'attitude ? Élément de réponse avec maître Mickaël Nativel, l'avocat de Stéphane Bocage. C'est un dossier difficile. Il y a trop de zones d'ombre. Il faudrait qu'on les éclaircisse. Il y a 3 phases au niveau de ces déclarations. La première phase, il nie complètement en garde à vue. Ensuite, pour une raison qu'il a donnée, il prend sur lui en disant « oui, j'ai frappé ce gamin ». Et puis, il y a une 3e phase, depuis maintenant 2 ans. Il dit « je n'ai rien fait à ce gamin que j'aimais, que j'adorais et que je n'y suis strictement pour rien dans sa mort ». Alors, il faut qu'on fasse le tri. Il avait un pacte avec elle. Il lui avait promis qu'en cas de problème, si elle était inquiétée, il prendrait les devant et s'accuserait à sa place pour qu'on ne lui enlève pas son enfant. Maître Mickaël Nativel, l'avocat de Stéphane Bocage, interrogé par Nadine Bachelot. Stéphane Bocage qui pourrait être condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Coralie Francombe, poursuivie pour non-assistance à personne en danger, en cours de son côté 5 ans de prison. Verdict ce soir. 6h05 sur la première, la suite du journal Florent Marot. Et on parle politique. L'examen du projet de loi sur l'égalité réelle a démarré hier à l'Assemblée nationale. Un projet porté par la ministre des Outre-mer, Erika Varage. Les députés doivent examiner les 112 articles chargés de combler les inégalités entre l'Hexagone et les départements d'outre-mer. Mais si le texte était très attendu, il ne fait pas l'unanimité. Pour le PCR, les inégalités existent depuis 70 ans à La Réunion. Le Parti communiste réunionnais ne voit pas comment elles pourraient être gommées en 2 décennies. Philippe Ichonchikan, membre du bureau du PCR. Le sucre de canne ne sera plus subventionné dès l'année prochaine. Pas un mot dans cette loi d'égalité. Les APE qui seront signés à échéance de la loi, ce sont les accords de partenariat économique qui sont signés entre les pays de la zone Afrique-Caraïbe notamment, qui autorisent ces pays à importer dans l'Union européenne, c'est-à-dire à La Réunion, toutes leurs marchandises sans droits de douane, donc contre notre tissu économique local. Les changements climatiques, tant qu'à l'alinéa 5, la loi prévoit des applications en correspondance avec l'article 73 de la Constitution pour les collectivités locales. Sauf que dans cet article 73, il y a un alinéa qui exclut La Réunion. Donc tout ce que la loi peut prévoir de mesures pour les collectivités locales ne sera pas appliqué à La Réunion. Philippe Ichonchikan, membre du bureau du PCR, interrogé par Priscilla Etève. Et parmi les mesures annoncées, il y a l'école obligatoire de 3 à 18 ans et l'alignement des prestations sociales sur la métropole. On en reparlera avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Valérie Roux, la directrice régionale de l'INSEE. Au menu également, les 70 ans de la départementalisation. Allez, on passe au sport. Après plusieurs villes de l'Hexagone, le dispositif Déclic Sportif arrive à La Réunion. Il s'agit d'un programme d'insertion professionnelle destiné aux sportifs. Trois partenaires principaux, les clubs qui proposent les jeunes, l'agence pour l'éducation par le sport qui se charge de les préparer et bien sûr les entreprises qui les embauchent. Hier, lors d'une conférence, le dispositif a été présenté. Un appel a été lancé aux entreprises et aux associations. La première promotion devrait débuter dès le mois prochain. Une quinzaine de jeunes seraient concernés. On écoute les précisions de Fred Avril, l'un des deux référents locaux. L'objectif, c'est de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes par le sport. Voilà, donc on crée en fait une plateforme locale où les partenaires s'engagent. On a trois niveaux d'engagement. Des entreprises qui s'engagent à nous offrir des emplois, des clubs sportifs où on va repérer avec les éducateurs des jeunes chercheurs d'emploi, et puis l'appel est représenté par la mission locale sud et l'association Passeport Océan Indien à La Réunion qui sont les référents territoriaux de l'appel pour coordonner tout ce programme et permettre aux entreprises d'obtenir des jeunes talents. On appelle des jeunes talents, c'est des jeunes avec des compétences, avec une garantie de bon état d'esprit pour qu'on va renforcer pour intégrer les emplois proposés. Fred Avril, référent de l'APELS, l'agence pour l'éducation par le sport, interrogé par Pierre Komorasamy. Un mot de football, Coupe des clubs champions de l'océan Indien aux Seychelles. Après sa victoire 4-1 lundi face aux Mauriciens du cercle de Joachim, la Saint-Pierroise affronte cet après-midi la Passe FC, le champion seychellois. En cas de succès, les sudistes se qualifieraient pour la finale. Coup d'envoi à 15h. C'est la fin de ce journal local. Place maintenant à l'actualité en France et dans le monde avec nos confrères de France Info. Focus ce matin sur Emmanuel Macron. Fanny Bouvard. Emmanuel Macron descend dans l'arène politique. Il était ce mardi soir en meeting à Strasbourg et il n'a pas annoncé sa candidature à la présidentielle, mais il a quand même présenté l'ébauche d'un programme tourné vers l'engagement citoyen. Mais surtout, Emmanuel Macron s'en est pris à Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. L'ancien ministre de l'économie a rappelé les condamnations judiciaires du premier dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris et dénoncé les dépassements des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Des fautes disqualifiante selon Emmanuel Macron. Amazon redonne le sourire aux Hauts-de-France. Le géant de la vente sur Internet va créer 750 emplois d'ici 2020 dans la région. C'est une information de France Bleu Picardie. Amazon annonce la construction d'une nouvelle plateforme près d'Amiens. Ce sera la plus grande de France. Son site de Lovain-Planque près de Douai dans le Nord va quant à lui être agrandi. D'ici la fin de l'année, Amazon comptera 4000 salariés en CDI en France. Il était soupçonné de préparer un attentat. Un jeune homme de 18 ans a été mis en examen ce mardi soir. Il avait été interpellé vendredi dernier à Clichy. Les policiers ont découvert qu'il était en contact avec le djihadiste français Rachid Kassim via la messagerie cryptée Telegram. Il avait été mis en examen pour association de malfaiteurs criminels en relation avec une entreprise terroriste. Nouveau débat dans la course à la Maison Blanche aux États-Unis. Depuis bientôt une heure, les colistiers de Donald Trump et d'Hillary Clinton s'affrontent. Des candidats à la vice-présidence que 40% des Américains avouent ne pas connaître, selon un sondage réalisé par les médias américains. D'un côté, il y a le gouverneur républicain de l'Indiana, Mike Pence, 57 ans. De l'autre, le sénateur démocrate de Virginie, Tim Kaine, 58 ans. Un face-à-face beaucoup moins attendu que le second débat Trump-Clinton, prévu, lui, dimanche prochain. Cuba, frappé en ce moment par l'ouragan Matthew. Matthew. Ses vents de 230 km par heure et ses pluies diluviennes. Il a déjà fait plusieurs victimes sur son passage dans les Caraïbes. Au moins 4 morts en République dominicaine, 3 à Haïti ce mardi. Mais la situation est encore floue dans le sud d'Haïti qui reste coupé du pays. Les États-Unis se préparent maintenant à l'arrivée de l'ouragan. La Caroline du Sud appelle notamment à l'évacuation d'environ 1 million d'habitants. Un grand jour pour l'Europe, pour la planète et pour les peuples. Déclaration de Ségolène Royal, la ministre de l'Environnement, après l'adoption par le Parlement européen à Strasbourg de l'accord de Paris sur le climat. 610 voix pour, 38 contre. Un vote qui va permettre une ratification rapide du texte signé lors de la COP21. C'était en décembre dernier. Très bon réveil à tous avec l'équipe de la première 6h12. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Et le soleil est déjà là. On n'a jamais vu un ciel aussi bleu, Isa. Enfin, je veux dire, depuis quelques jours. Depuis quelques jours. Il est vraiment bleu ce matin. Mais par contre, il y a déjà un rayon de soleil partout, sur toi. Voilà, c'est fou, ça. Bah oui, parce que. Ça, on l'avait jamais vu. En fait, tout simplement, le rayon de soleil vient me rappeler que la semaine dernière, on avait dit qu'on aurait une belle journée ensoleillée et chaude. Et ça va être le cas, mes amis. On va avoir une belle journée. Pratiquement d'été aujourd'hui, les températures sont déjà douces ce matin, 21 degrés à Saint-Denis, il fait 9 à la plaine des Cafres, 7 au volcan et 9 dans les cirques, mais ça va bien monter cet après-midi, on devrait sur le littoral s'approcher des 30, voire dépasser les 30 degrés. Profitez bien de cette journée de mercredi 5 octobre parce que c'est peut-être une des toutes premières journées de presque été. Allez, de presque été, quelques nuages qui vont traîner tout de même sur le tampon, le dimithyl cet après-midi qui pourrait donner quelques averses partout ailleurs. Eh bien, ce sont les éclaircies qui seront prédominante. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Et on espère qu'il y a aussi de bonnes nouvelles sur le réseau routier. L'inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaëlabodou.com. Bonjour Yves Bruyère. Bonjour Yves. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël. Oui, le soleil illumine et éblouit les gens qui circulent ici dans l'Est, notamment si vous partez vers l'Est en quittant Saint-Denis. Attention, soleil éblouissant, visibilité un peu réduite, donc attention, vaut mieux avoir de l'eau dans le lave-glace et un pare-brise propre, circulation fluide depuis la Ravine des Chèvres jusqu'à Saint-Denis, une traversée du boulevard sud à 7h06 sans aucune difficulté, le boulevard nord non plus, ceci dit, l'entrée ouest sans problème, la route du littoral est bien ouverte sur 4 voies et vous voulez correctement là-bas. Alors par contre, il y a quand même un embouteillage qui se situe au niveau de l'échangeur de Plateau-Caillou pour descendre sur le viaduc et rejoindre Saint-Paul, au moins jusqu'à Belmen, petite zone roulante, et puis on retrouve quelques ralentissements en hauteur de Savannah. Côté est, les petits ralentissements, alors on est entre 40-50 km/h à peu près depuis la ligne droite de quartier français au niveau de l'échangeur, donc voilà où démarre à peu près la zone perturbée et jusqu'à à peu près l'échangeur nord de Sainte-Suzanne hier, donc on n'a pas pu mettre en service la circulation à double sens du côté de la pointe des Châteaux. Ce n'est que partie remise, ça sera fait dans la matinée. Attention à ce changement définitif là-bas. L'inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaëlabodou.com. Grand matin avec Isabelle Waro et Mickaël Laurette. Et aujourd'hui, il y aurait un peu de vent aussi sur le nord-est, la plaine des Cafres, mais surtout un vent de fraîcheur. Un vent de fraîcheur que l'on vous offre, puisqu'on va mettre 20 euros dans la poche pour aller acheter les fruits, les légumes que vous voulez à Espace Fraîcheur. C'est comme ça tous les jours. Pour mettre de la couleur dans votre assiette. Avec notre partenaire. Il vous suffit, tout de suite, de sauter sur votre téléphone. Gentiment, hein. Casse pas le téléphone. Et vous composez le 02 62 99 2000. Ce sera aussi une question de rapidité. Puis on ira faire un petit tour encore sur le marché du chaudron. Il y a des salades, mais pas que ça. Vous le verrez tout à l'heure avec Prisca. Il y a des gens aussi. Il y a des gens qui sont sur le marché. C'est pour ça, c'est qu'on aime les marchés tous les matins. Tout ça, ça sera vers 6h20. Oui. Bah oui, mais d'ici là, c'est Marina Kay. Avec Freeze You Out. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Freeze You Out. Freeze You Out. Freeze You Out. Freeze You Out. Freeze You Out. Yeah. Sur première. Bon réveil. But Vous êtes sur première, vous y êtes bien. Alors restez-y jusqu'à 8h. Marine accueille. Et puis on va filer. Oui, c'est ça. On va filer sur le marché après ce yaourt d'Isabelle. Ah, hein, tu parlais de mon causet. Du fruit yaourt. Oh, c'est pas sympa, ça. Allez, à tout de suite sur première. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réuni Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. 10h midi, les experts avec Claude Montagnier. Le souci, c'est que je cherche un mode de garde qui me conviendrait. C'est préférable, assistant maternel à domicile. Vous pouvez passer ma signature de l'auto pour connaître ce que c'est le problème. Est-ce qu'il a le droit à un petit enquête ? Qu'elle prenne contact avec la CAF. Vraiment, les émissions que vous faites aident beaucoup de personnes. Les experts avec Claude Montagnier, du lundi au vendredi de 10h à midi sur Réunion Première. Envie de booster votre carrière ? Le diplôme universitaire gestion des ressources humaines de l'IAE. Faites évoluer vos compétences et ouvrez-vous de nouvelles perspectives. Une formation courte en cours du soir, à partir de Bac plus 2, DU, GRH de l'IAE. Renseignez-vous et candidatez maintenant sur www.iae-reunion.fr. IAE, l'école universitaire de management. Première. 6h20 et on était sur la planète Marina Kay. On va aller sur la planète marché maintenant. Espace fraîcheur vous offre 20 euros que vous pouvez donc gagner maintenant en appelant. Le 99 2000, puisque donc, pour aller sur la planète marché forain, il suffit d'avoir bizarrement un téléphone. Voilà. Ah bah oui. Et il faut être rapide au 99 2000. Il n'y a pas de questions. On n'a pas rien pour trouver, on n'a pas rien pour deviner. Allez. Il faut faire sonner. 20 euros dans le portefeuille. Moi, je dis que ça sonne pas. On vous remplit le panier. Le panier, tout simplement. Voilà. Bah, vous appelez d'abord. Hein. 0262 99 2000. Allez. Ça sonne, ça sonne. Allez, on fait sonner les lignes. Allez. Et nous, on va. Qui veut de l'argent ? On va faire un tour de la Réunion comme ça. Ouais. Et on va choisir. Enroulez bien. Une région. Descendre. On descend. Allez, on va dire que tout le sud doit appeler là maintenant. Ah, 0262 99 2000. On a le doigt sur la carte vers le sud. Hein. Tout le sud doit appeler parce qu'on va choisir une ville dans le sud. Ouais. Alors attention, on va choisir une ville dans le sud. Saint-Pierre, Isa. Saint-Philippe. Non, Saint-Joseph. Saint-Philippe. Ah non, le tampon. Bon. Saint-Philippe. Le tampon. Saint-Philippe. Allez, Saint-Philippe. Ouais. Allez, Saint-Philippe. Bonjour David. On accueille David. Salut David. Bonjour. Ça va David? Ça, très bien les autres. Eh ben, on dirait au film fatigué David. Ben, mes soins roulés, mes soins fanny. Eh ben David, bon courage, mais ça ira mieux avec 20 euros qu'on vous met maintenant dans la poche. Eh voilà. Oui, félicitations avec les magasins Espace Fraîcheur et la première. Les 20 euros sont pour vous David. Merci beaucoup. Bonne journée. Vous de même. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Prisca, ce matin, où les chaudrons ? Oui, sous le soleil, ça y est, il fait beau, il y a beaucoup de monde hein, déjà ce matin. Et puis il y a Hendrix qui vend des mangues José. Bonjour Hendrix. Bonjour, vous allez bien ? Ouais, ça va et vous ? Ça va. 15 000 dollars le kilo de mangues José. Oh, oui, 15 000 dollars le kilo. C'est pas donné, mais c'est les premiers. Bah, oui. Les gens achètent ? Ils achètent, effectivement. Mais depuis que je suis là, il y a eu au moins 4 ou 5 clients. Combien de caisses de mangues José vous avez là ? Ah, j'en avais que 26 kilos là. Ouais. Aujourd'hui j'en ai 26 kilos, ça commence ben, deux papiers, 26 kilos, après dans deux semaines ça va bien. Ouais. Et est-ce que le prix va baisser ? Est-ce que là il est quelle heure là ? Il est 6h20. Mmh. Est-ce que vers midi ou brade les mangues José ou non ? Non, je pense pas, parce que les gens voyagent beaucoup en ce moment, ouais. donc Ils vont déjà chercher avant 10h, là, je pense que j'en ai repris. Ouais. Manque José qui arrive de Saint-Gilles. De Saint-Gilles, oui. Ouais. Je ne dirai pas où, mais de Saint-Gilles. Ouais. Ça reste top secret, ça. Voilà, exactement. Allez, merci Hendrix, et bon courage. Merci beaucoup. Il y a des bibas, les amis, sur le marché Forêt du Chaudron. Il y a des fraises aussi, il y en a pas mal. Et puis, il y a du chou-rave. Mais le chou-rave, il est mauve. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté à cette variété de, moi, de chou-rave. Mauve, non. Bah, en salade, en daub, hein, c'est un délice. Faut aimer. Bonjour, comment ça va Marie? Ça va? Marie, comment il est? Ouais. Vous avez ramené les chou-raves. Combien ça coûte? Combien vous allez vendre? 2 €. 2 € Et entre le mauve et le blanc, les deux n'ont la même couleur? Oui, le mauve et blanc à l'intérieur. D'accord. Et le blanc n'est pas mauve à l'intérieur? Non. Non. Allez, on vous attend ici sur le marché forain du Chaudron avec Réunion Première. Rendez-vous tout à l'heure à 8h30 dans la Coche Jacques. Nous allons partager ensemble vos recettes en direct du marché forain. Et on sera rendez-vous, merci Pascal. Et un petit peu de l'eau. Allez, bisous. Oui, allez, à tout à l'heure. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Économie maintenant, 6h24. Et l'accompagnement à la création d'entreprises, Mickaël, n'est pas réservé aux gros projets. Eh non, il existe aussi des structures d'aide aux micro-initiatives. Le salon SME, ex-salon des micro-entreprises, eh bien, se tient en ce moment à Paris. Ah ben, à la bonne heure. La chronique éco, Tessa Gromagne. Avoir pour projet de monter une entreprise lorsque l'on est jeune, sans formation et que l'on vit dans une région où le chômage est particulièrement élevé, ce n'est pas évident. David Page s'en rend bien compte. Il travaille pour Planète Adam, un organisme qui accompagne les porteurs de projets de micro-entreprises en Seine-Saint-Denis. Il y a plusieurs obstacles, je pense qu'il y a un obstacle psychologique à franchir. Ils se disent qu'ils ne peuvent pas forcément entreprendre parce qu'ils n'ont pas forcément les études pour, ils n'ont pas forcément les financements pour. On a des personnes qui sont en difficulté financière, on a des personnes qui ne peuvent pas avoir de prêt bancaire classique, etc. Donc le frein psychologique et le frein du financement sont deux problèmes identifiés à Planète Adam. Et pourtant, avec un bon accompagnement, il n'est pas impossible de créer sa propre entreprise. France Active est une association qui conseille et finance les personnes porteuses de projets. Elle est présente à La Réunion, à Saint-Martin et en Martinique. Son président est Christian Sauter, ancien ministre des Finances. L'an dernier, ce sont 7000 projets, France entière, que nous avons accompagnés et financés. Ça a permis de créer 35 000 emplois, ça a permis de lever 244 millions d'euros d'argent privé. Donc, je pense que nous pouvons être un acteur modeste, mais obstiné du développement économique outre-mer. 82% des projets soutenus par France Active ont abouti et l'association s'engage à rembourser la moitié des emprunts bancaires de ceux qui ont échoué. Christian Sauter estime qu'il faut en moyenne 40 000 euros pour créer sa petite entreprise. Mais d'autres voient plus petit encore, comme l'ADI, association financée par les collectivités locales et qui prête 10 000 euros à des porteurs de projets modestes qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Nasradine Ben Abdelkader de l'ADI en Seine-Saint-Denis. Il y a 3 critères principaux. Le premier critère, ça reste l'entrepreneur lui-même, son expérience, sa motivation, la cohérence entre ce qu'il souhaite faire et son expérience passée, son entourage également. Le projet en lui-même, sa rentabilité, est-ce qu'on a de bonnes perspectives d'activité ou pas, et en gros la viabilité économique du projet. Et enfin, le budget personnel, puisqu'on est sur un prêt qui appelle des remboursements, forcément. Et donc l'idée, c'est pas de mettre les gens encore plus en difficulté qu'ils ne peuvent l'être. Et donc il y a une étude du budget personnel, du budget familial qui est effectuée par un conseiller. L'ADI propose aussi Créa Jeune, un programme sur 6 semaines d'accompagnement à la création d'entreprises et destiné aux 18-32 ans. Il est organisé dans 21 villes, dont Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, Cayenne et Nouméa. Un petit message de 72 000, ça nous fait plaisir. Voilà, ça nous fait du bien. Bonjour grand matin, c'est le tampon, 15 degrés, salut. Bisous le tampon. Continuez d'envoyer vos messages au 70 000 et peut-être un week-end à Silos pour vous. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize. All my enemies who wouldn't wish who I was. Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm born. spend my time on my ride. It's easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But there don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. Twenty One Pilots avec Ride. Et puis Ride. Alors on disait oui. 06 92 70 2000. J'aime oui. Grand Matin pour peut-être le week-end à Silla Osobo au Vieux Cep. Mais on aussi Fred, d'ailleurs. Likez la page fan. Bah oui, parce que Fred l'a fait. Mm-hmm. Vous likez la page fan de Facebook. Grand Matin. L'inforoute vous est offerte par QTEC, machine à boire réunion. Le point avec vous, Yves à Sainte-Suzanne. Oui, avec un trafic un peu dense en centre-ville de Sainte-Suzanne, surtout chargé sur la 4 voies depuis quasiment l'échangeur de Cambuston, c'est-à-dire l'échangeur de Petit Bazar. Hein. Donc là, le trafic est un peu plus soutenu donc en arrivant de Saint-André et de Saint-Benoît et toujours jusqu'à la Ravine des Chèvres hein, pour le moment. Donc le gros point noir, ce sont ces deux échangeurs de la Marine et d'échangeurs nord de Sainte-Suzanne. Pour le moment, les échangeurs de Sainte-Marie ne perturbe pas encore trop le trafic. On n'est pas encore tout à fait à l'heure de pointe. Donc une entrée est encore fluide, l'entrée ouest avec des ralentissements juste à la sortie du tunnel du Cap Bernard. Un peu de monde sur la fin de Villon-Castel, 100 mètres avant le pont Pasteur en ce moment. Pas de soucis sur Vinsan ou sur les tranchées sur le boulevard sud. La circulation est plutôt correcte. Attention, puisqu'on parle de Saint-Denis, il y aura des travaux de rabotage dans le triangle rue Bertin, rue Malartic et rue Ruisseau des Noirs. Ce tronçon qui est en travaux depuis un petit moment. Donc rabotage dans la journée. Par contre, les enrobés se feront demain soir. Donc on en reparlera pour ce quartier. Voilà, sur la corniche, donc ça se passe pas trop mal pour le moment. Et les ralentissements juste avant la tranchée couverte de Saint-Paul, donc c'est pas trop mal. C'est un vrai plateau caillou avant de descendre sur la route digue. Le poids lourd qui était en panne hier a été dégagé dans la nuit. L'inforoute vous a été offerte par QTEC, machine à boire réunion. 6h30 sur la première. Le journal de la rédaction est signé Cécile Thomas. Bonjour. Bonjour à tous. Deux accusés pour répondre de la mort d'un enfant aux assises suite du procès sur le décès du petit Kélan à Saint-Joseph. Son petit père nie les coups et accuse la mère du bébé. La guerre des multiplexes de cinéma suite dans le sud. Un grand cinéma pourrait bien sortir de terre après 10 ans de bataille judiciaire. L'égalité réelle dans l'actualité avec la présentation du projet de loi d'Erika Barrage hier à l'Assemblée nationale. Et puis le surf et les réunionnais en grande forme en attendant les vagues au Pays Basque. Le point sur la saison de Jérémy Flores et Joanne Defay à la fin de ce journal. Une vie courte est faite de coups. Le petit Kélan est mort à 23 mois du syndrome du bébé secoué. Aux assises, dans le box, son petit-père Stéphane Bocage, accusé de l'avoir frappé quotidiennement, et sa mère qui ne l'a pas protégé de son bourreau. Hier, au premier jour du procès, les deux accusés se sont renvoyés la balle. Nadine Bachelot. Une maman, ça doit être un rempart. Ça doit protéger son enfant envers et contre tout. Coralie Francombe n'a pas joué son rôle de mère. Son fils de 23 mois a souffert dans l'indifférence générale. Même la famille n'a jamais réagi face aux maltraitances du marmaille. Et que dire du parquet qui, en septembre 2013, a considéré qu'aucune infraction n'était caractérisée et qu'il n'y avait donc pas lieu d'ordonner une enquête. Si Stéphane Bocage revient sur ses aveux aujourd'hui, n'empêche que les experts mettent en avant un homme égoïste et égocentrique. Pour le psychiatre, ce sont des traits de personnalité, mais pas des caractéristiques susceptibles d'atterrer le psychisme. Cet enfant le gêne, il le voit comme un rival, il faut à tout prix l'écarter de son chemin, explique le psychologue. D'ailleurs, 8 jours seulement après sa mort, il prépare un dîner de Saint-Valentin. Et pour la maman, les témoignages de l'assistante familiale, de l'assistante sociale et de l'éducateur ne sont pas en sa faveur. Kaylan, disent-ils, est parti avec facilité en foyer d'accueil. Il n'a pas réclamé sa mère. L'éducateur précisera même qu'il avait de grandes inquiétudes par rapport au positionnement de la maman. Nadine Bachelot, suite des audiences aujourd'hui, verdict attendu dans la journée. Ce sont habituellement les jeunes qui se font attraper pour avoir posté des violences filmées avec leur téléphone, par exemple, car diffuser des images dégradantes pour une personne, c'est puni par la loi. Lundi, une mère de famille de Saint-Pierre a filmé en direct sur Facebook la correction qu'elle a donnée à son fils de 16 ans. Le jeune homme est soupçonné de vol aggravé. C'est une bêtise de trop pour sa mère. Dans la vidéo, on la voit le frapper à coups de ceinture. Le jeune homme qui la supplie d'arrêter. Hier, la mère a été placée en garde à vue. Elle devra répondre de violences avec armes, notamment le 17 février prochain. Elle devra répondre aussi du fait d'avoir enregistré et diffusé ces images dégradantes pour son fils. Vous êtes divisé sur le sujet. Une bonne correction pour un marmaille à la dérive ou des violences caractérisées. La justice tranchera. Les soutiens de la mère de famille ont lancé une pétition sur Internet, sur Citizen Go, pour que toutes les poursuites soient abandonnées. Les procédures judiciaires, elles connaissent. Les deux sociétés de cinéma de La Réunion continuent de se battre au tribunal. Et pendant ce temps, il n'y a toujours pas de multiplex dans le sud. Mais la situation devrait bientôt se débloquer. Les travaux pourraient même débuter dans quelques mois, début 2017. Dans la ZAC de Pierrefonds, la holding ETEV a acheté une parcelle et le permis de construire sera étudié la semaine prochaine. Cette fois encore, l'opération est contestée par son concurrent Investissement et Commerce. Il s'essaie d'y avoir fait une offre plus importante pour le même terrain. Puisqu'Investissement et Commerce dispose aussi d'un terrain dans la ZAC Canabadi, pourquoi ne pas autoriser la construction de deux multiplex? Maître Gabriel Armoudom, l'avocat d'Investissement, Commerce et Cinéma. Tout à fait, bien sûr, nous on était pour. C'est ce qu'on avait dit à un moment donné au maître Saint-Pierre. Laissez-nous ouvrir tous les deux, chacun notre multiplex. Et puis c'est la loi du marché, hein. Celui qui tient, il tient. Celui qui ne tient pas, il ne tient pas. Mais la commune de Saint-Pierre refuse de nous donner le permis ou alors refuse que notre projet aboutisse devant la Commission nationale du cinéma. Donc on ne peut pas aller nous laisser manger non plus, on ne peut pas se laisser faire. Il y a un risque de déséquilibre, puisque nous, si on arrive après coup, la Commission nationale du cinéma risque de dire de la zone de Saint-Pierre, il n'y a plus de place pour un deuxième multiplex, c'est le risque. Alors que si on l'autorisait dès le départ les deux à ouvrir, il n'y aurait pas de problème. Maître Gabriel Armoudom, joint par Stéphane et Nil Aurac. Aujourd'hui, le tribunal de commerce doit rendre sa décision dans une autre affaire où l'un accuse l'autre de dénigrement. C'est l'affaire Fast and Furious. La campagne de recrutement des apprentis se poursuit. 60% des objectifs ont pour le moment été atteints. Patrons et jeunes ont jusqu'au 15 novembre pour se mettre d'accord. L'apprentissage, c'est l'un des volets phares du plan de lutte contre le chômage des jeunes voulu par François Hollande. Près de 400 000 contrats sont signés chaque année au niveau national. C'est loin des 500 000 espérés pour 2017 par le président de la République. À La Réunion, 4 456 apprentis ont été formés en 2014. 8 000 étaient attendus en 2015. Certains secteurs peinent plus que d'autres à recruter. Même ceux qui recrutent facilement semblent en difficulté cette année, Lisourdel. Coiffeur depuis 24 ans, patron depuis 16, Morgan Chenet a toujours pris des apprentis dans son salon. Une trentaine ont ainsi été formés chez lui. La démarche, c'est de transmettre, c'est de voir l'évolution d'un jeune qui arrive au début de son contrat, qui est un petit peu timide, qui n'ose pas trop. Et puis si on a suffisamment de patience et de pédagogie, on s'aperçoit vite que des fois, au bout d'une semaine, on a déjà des choses qui se passent, qui sont très positives. L'évolution qui peut être très rapide, en fait. Dispensé de charges sociales, bénéficiaire d'une prime à l'embauche et à la sortie, ce patron trouve son intérêt dans ce dispositif, les apprentis aussi selon lui. Pourtant, cette année particulièrement, il n'arrive pas à en trouver. En fait, je suis très surpris. C'est la première année depuis 16 ans où je m'aperçois en fait que j'ai pas de candidat. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Son secteur d'activité n'est pourtant pas boudé par les jeunes. Avec l'esthétique et la mécanique, il est même l'un des trois qui attire le plus. Mais pour Alamanda, 17 ans, actuellement à la recherche d'un employeur, le problème semble venir des patrons. Les patrons refusent, malgré qu'on est toute jeune, qu'on a moins de 18 ans. Parfois, ils demandent d'avoir des diplômes. Et parfois, ils cherchent qui n'a pas de diplôme. Et du coup, c'est très compliqué. À La Réunion, plus de 4000 jeunes choisissent chaque année l'apprentissage, soit 3,6% des 16-25 ans. Lisourdel, les petits rappels, la campagne de recrutement des apprentis dure jusqu'au 15 novembre. Il est 6h38 sur la première. La suite du journal, Cécile Thomas. Aucun département hexagonal n'accepterait la situation des Outre-mer avec des retards importants. Petite phrase de la ministre des Outre-mer hier à l'Assemblée nationale. Erika Baredge présentait son projet de loi qualifié de marche vers l'égalité. Lors de la séance des questions au gouvernement, hier, Philippe Gomez, le député UDI de la Nouvelle-Calédonie, s'est livré un véritable plaidoyer. Il exige une obligation de résultat pour le projet de loi égalité réelle. Il a interpellé Erika Baredge au sujet des indices de développement humain insuffisant dans les territoires ultramarins. Philippe Gomez. Cette loi pose un principe qui résonne agréablement aux oreilles de tous les ultramarins. L'indice de développement humain range la France au 20e rang mondial. Mais tous les Français ne sont pas sur un même pied. En Guadeloupe, c'est le 38e rang mondial. En Nouvelle-Calédonie, le 50e. En Polynésie française, le 75e. À Mayotte, le 107e. Si la réduction des écarts de développement est une priorité de la nation, à partir de ce moment-là, ces plans de convergence doivent comporter une obligation de résultat. Le député UDI de la Nouvelle-Calédonie, Philippe Gomez, voilà la réponse d'Erika Baredge. Les plans de convergence sont une innovation au service du développement économique et social des Outre-mer, et cela pour trois raisons. Ils mettront d'abord en place une trajectoire vers l'égalité qui sera respectueuse des caractéristiques et aspirations de chaque territoire. Ensuite, parce que ces outils vont s'inscrire dans la durée. Et c'est un véritable calendrier de l'égalité réelle qui s'ouvre aujourd'hui et qui ne se refermera que lorsque nous serons à l'égalité formelle. Erika Baredge, la ministre des Outre-mer. On parle sport avec du surf, à peine commencé déjà en stand-by, le Quicksilver Pro et le Roxy Pro, deux étapes du tour mondial professionnel de surf, messieurs et dames étaient à l'arrêt hier. La compétition doit reprendre aujourd'hui, une étape française qui arrive au bon moment pour les surfeurs réunionnais, Johan Defay et Jérémy Flores. Ils sont tous les deux en grande forme, Alain Rosalie. La semaine dernière au Portugal, Johan Defay échouait en demi-finale du Casquet Pro. La réunionnaise, meilleure française, est désormais cinquième au classement mondial. À Osgor, elle a toujours brillé. Demi-finaliste en 2014, elle avait atteint l'écart l'an dernier, battue à chaque fois par l'Australienne Taylor White. Sur cette manche française, elle a bien l'intention de jouer les troubles faites qui pourraient décider du titre de championne du monde. Jérémy Flores, lui, vit sa pire saison sur le circuit mondial, mais dans les qualifications, le Réunionnais brille. Finaliste à Casquet, il a fait un bond de la 18e à la 6e place en qualif. Et en 10 saisons au plus haut niveau, Jérémy Flores a gagné à Tahiti et Hawaï. Et rêve toujours de gagner en France. C'est vrai que c'est dur en France parce que en fait les bancs de sable changent tout le temps. Donc c'est ce qui fait la particularité de cette épreuve. Pour moi, une des épreuves la plus dure à remporter. J'espère gagner. Ça serait un rêve de gagner ici en France. Un rêve que j'ai toujours eu. Je ressens une énergie de toute la plage incroyable. Ça fait chaud au cœur. On entend des rugissements. Imaginez des fois entre 15 et 30 000 personnes sur la plage qui crient. On entend tout comme dans un stade de foot. Malmené cette année sur le circuit mondial, le Réunionnais 31e au classement doit engranger des points afin de rester dans l'élite. En cas de contre-performance, il pourra toujours se rattraper sur le circuit de qualification. Alain Rosalie, le Quicksilver Pro et le Roxy Pro, c'est jusqu'au 15 octobre à Osgor. Merci Cécile, on se redonne rendez-vous tout à l'heure à 6h50 pour les Unes de la Presse. 6h41 sur la première. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Et de 6 à 20 degrés ce matin sous le soleil. C'est ça l'élément essentiel, le soleil, vous l'avez dit. Vous l'avez vu aussi ce matin, ce soleil un peu partout sur l'île. Et cet après-midi, il sera perturbé quand même par quelques nuages qui prendront possession des hauteurs du sud-ouest, des Mac, en passant par l'entre-deux jusqu'au Tampon. Et pourquoi pas les hauteurs de Saint-Joseph. Partout ailleurs, nuages et éclaircies partageant le ciel, avec des températures qui vont bien grimper. Certainement une des premières journées d'été, en tout cas quasiment, puisque on atteindra les 30 degrés, voire on les dépassera sur le littoral. Profitez bien de cette journée qu'on vous avait promis depuis la semaine dernière sur Réunion Première dans Grand Matin. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. 6h42, le point trafic tout de suite avec Yves Gruyer. L'inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaëlaboudou.com. Est-ce que c'est de plus en plus dense, Yves ? Non, ça va un petit peu mieux, en tout cas pour le secteur Petit Bazar, jusqu'à à peu près l'échangeur de quartier français. Après, là, c'est vraiment plus compliqué. Donc la situation presque parfois à l'arrêt, vous êtes momentanément arrêté sur cette partie de ligne droite de la 4 voies, donc avant les virages du Brûlon, de la Marine, de Sainte-Suzanne, la montée de Bel-Air, toute la partie maintenant même au-delà de la ravine des Chefs, puisque les ralentissements vont presque jusqu'à la Convenance, ça commence à sortir un peu plus au niveau des échangeurs de Sainte-Marie, mais c'est encore fluide après, hein, donc pour rejoindre Saint-Denis en provenance de l'Est, la partie est du chef-lieu encore dégagée pour le moment. Ça va un peu mieux également sur la fin du Lancastel, les ralentissements 200 mètres avant le carrefour avec la rue La Bourdonnais. Et puis, par contre, plus de monde en l'entrée ouest de Saint-Denis. Le soleil y est également pour pas mal. Donc, à la sortie du virage du Gouffre, donc quelques zones perturbées sur la corniche avant de rejoindre donc le Barrageois. Si vous avez choisi option Pont-Vinsan, c'est fluide encore comme les tranchées. Côté ouest, pas de changement, toujours juste avant la tranchée couverte de Saint-Paul. Voilà pour quelques ralentissements. Très bonne route, il fait beau, mais c'est confirmé, pas un nuage ici dans l'Est. L'inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaelaboudou.com. Grand matin avec Isabelle Waron et Mickaël Laurette. Salut à tous les réveillés, et puis surtout salut à tous ceux qui sont super contents ce matin de se réveiller sous le soleil, comme à Sainte-Rose, le soleil de Sainte-Rose. Oui. On salue notamment Dessy de Sainte-Anne et aussi Ludovic de Sainte-Rose. C'est pas très loin, hein, les deux. Patricia également du Sud, elle est là. Voilà. Adrien, et puis il y a aussi Christine, bonne journée à vous. Moi, c'est direction le Sud pour le boulot. Prudence sur les routes, bonne route à tous. Vous continuez d'envoyer vos messages au 06 92 70 2000 avec un petit j'aime grand matin, ça nous fera plaisir. Voilà. Vous continuez de liker la page Facebook. Pourquoi ? Grand matin. Parce qu'il y a des cadeaux à la clé pour vous ôter. Plein de cadeaux, comme quoi. Bon, on part au cinéma ce matin pour aller voir ce nouveau des studios Disney, Kubo et l'armure magique. Voilà, Kubo et l'armure magique. Voilà, ça sort aujourd'hui dans les c'est salles. C'est bien ça pour les vacances et les marmailles. Parfait, les vacances arrivent à quelques jours. Et puis, voilà, pour vous les grands, peut-être sinon, en week-end à Cilaos. Au Vieux Cep. C'est ça. Hôtel 3 étoiles, au cœur de Cilaos, piscine, petit déjeuner, nuit en chambre d'eau. Détente, amour, câlin. On vous a tout préparé. On vous a tout préparé. Après, vous débrouillez par contre. Et ce que je voulais dire, c'est la page Facebook de Grand Matin surtout. Oui. Parce que vous avez du mal à la trouver, cette page Facebook. C'est vrai. Bah oui. Alors, G-R-A-N, apostrophe, matin, pour la trouver. Voilà. C'est ça. Pour et après, il y a une figure. Ensuite, on fera un tirage au sort sur le 72 000, mais aussi sur la fanpage de Facebook. Voilà. Et on verra qui l'emportera. Pour aller à Cilaos ce week-end. Et déjà, hein, des places de ciné à... Ah, ça c'est sûr. À offrir aujourd'hui. Mais c'est parfait, je te dis, pour les vacances qui arrivent, la vendredi, Marmaille en vacances pendant 15 jours, puis amène à soi de cinéma sans que ça ne vous coûte un rond. C'est ça. Bien. C'est discount en fait. C'est chez, discount. Dans Grand Matin. Disons, on va faire les courses. Oui. Disons, on va faire les courses, on n'achète pas n'importe quoi. Hein. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Et qui, lui oui. Achète discount ou pas? Ben, je sais pas. Ben, on va voir. Mais moi, vous allez savoir. C'est les embrocs au quotidien. Comment Roselyne, mère célibataire et sans emploi avec un découvert de 452,33€ sur son compte en banque, arrive à nourrir ses trois enfants? Grâce aux produits les moins chers des rayons, les produits discount. Enfin, moins cher, c'est vite dit, puisque certains produits discount seront toujours plus chers à La Réunion qu'une vraie marque en hexagone. Zati connaît qu'on un produit discount, Zot? Laisse-moi expliquer à Zot. Quand on veut acheter un paquet Cornflakes pour Marmaille par exemple, on peut acheter la vraie marque avec un chien ou un tigre dessus, un emballage coloré et un jouet dedans. À Réunion Première, n'a rien que le ban journaliste télé comme Jean-Marc Collien n'y peut acheter un affaire pareil. Après, on est là le niveau en dessous, c'est le marque distributeur. Le Cornflakes y porte des noms bizarres. Boules chocolatées, graines sucrées, bref, il fait moins rêver et n'a point de jouets dedans. Ça, ce sont les produits que les techniciens et les animateurs radio comme Isabelle, y peut mettre dans un caddie. Ensuite, le dernier niveau, le plus bas, c'est le produit discount. L'emballage, les blancs, il est juste marqué Cornflakes dessus. On connaît pas vraiment qu'on en a dedans, mais c'est le moins cher. Ça, c'est ben stagiaire technicien avec deux enfants à charge, il achète ça. Vous avez-tu compris un peu mieux? Mais m'y crache pas dessus, hein, ou pas achète un produit sous marque. Un liquide vaisselle, il savonne pas. Un mouchoir, le rhume, il traverse quand on était à nu, ça va. Par contre, un boîte pâté à 50 centimes, mais il est pas sûr qu'on en a la vraie viande dedans. Pareil pour un tablette chocolat, 0,5% de cacao. Il fait un peu peur, les affaires, vous y trouves pas? Et quel effet nana sur nous de combien de produits pareils? Mais il est sûr que c'est parce que maman mange même paquet biscuits discount chez mémé comme il était petit qu'aujourd'hui il commence à perdre mes cheveux alors que m'a même pas 30 ans. Nous les 7 nous mange. Les gens qui consomment discount ou voient sur votre visage que vous êtes là en souffrance. Zanabo mange plein de trucs avec colorants et conservateurs, votre figure n'est pas bien conservée. Alors que les gens un peu plus riches qui sont nourris avec des produits de marque sont plus beaux et plus souriants. Jean-Marc Coyenne, par exemple, malgré son âge, il fait toujours son effet sur les ménagères de moins de 50 ans. Mais moi, m'y reviens à Roselyne, notre mère célibataire. Elle, il n'a point le choix, il est obligé à shot discount. Roselyne qui râle le Diego par la queue. Hein ? C'est pas ça l'expression. Il dit « il râle le diable par la queue ». Ah non, non, non, on n'a rien à voir. Diego, c'est le petit ami de Roselyne. C'est qu'elle a besoin d'un autre marmaille pour toucher un peu plus d'allocation en ce moment. Oh là voilà, là. C'est le lecce, hein, voilà. Nous les, c'est que nous mange. C'est la reprise de l'Indigo. Bye le lecce. C'était les embrocales quotidiens. Ça revient à 16h50 chez David. Dans le bon tempo. Allez, voilà. À tout de suite. Réunion Première vous invite pour la Nuit Étoilée, une rencontre musicale afro-caribéenne le samedi 8 octobre à partir de 20h30 au parc Expo Bat de Saint-Paul avec Michael, LJ, Pompis, Marvin, Felicia Ross et plein d'autres artistes. Jouez et gagnez vos invitations en écoutant Réunion Première. Et tentez de gagner vos places pour la soirée VIP du jeudi 6 octobre. La région Réunion lance le Pop Nouvelle Génération. Let's go ! Le Pop 2. Pop 2. Et en seconde ou apprenti, dès le mois d'octobre, ton bon Pop est disponible pour l'achat de ton ordinateur portable. Tu peux aussi bénéficier d'une connexion Internet. Pop 2. Sous condition de ressources. Comment obtenir ton bon Pop 2 ? Retrouve toutes les infos et les critères d'éligibilité à la connexion Internet sur le www.régionreunion.com. Première. Bienvenue les amis du matin. Eh oui, on embrasse tous Isabelle de Saint-Louis qui nous dit qu'est-ce qu'il faut faire pour être sélectionné pour le tirage au sort de vendredi. Rien, ma voilà, chérie. Isabelle, c'est bon, vous êtes sélectionnée. C'est bon, on a ton SMS et ton numéro de téléphone. On salue Bernardo, on se complique pas la tâche, hein, c'est le matin. Oui, voilà, on va pas non plus trop pousser le vice trop loin. Salut Bernard qui est dans les bouchons à Saint-Paul qui nous écoute tous les matins. Bisous Jean-Maxime merci également. Merci Bernard, merci à tous de nous rejoindre. Vous êtes dans Grand Matin sur Première. Et voici nous Tracy. Hypocrite. On est fatigué de vivre, être hypocrite. Téléphone pour proche derrière, mais devant l'icône pas gâté. Et arrête de faire croire à moi, ou les sympathies connaît. Quand je m'en m'enterre, fais mal mon cœur. On est fatigué de vivre, être hypocrite. Téléphone pour proche derrière, mais devant l'icône pas gâté. Mais arrête, fais croire à moi, ou les sympathies connaît. Quand je m'en m'enterre, fais mal mon cœur. Tu connais que dans ton travail, n'est la régateur. Il a monté de gratuité, avance la poule, son bon frère retour. Tu connais avant nous délite et sa peste la pierre. Sans il y gagne, le verre il salit son doigt. Tu connais que dans tout travail des nègres à terre. Il a monté de gratuité, avance la poule, son bon frère retour. Tu connais avant nous délite et sa peste la pierre. Sans il y gagne, le verre il salit son doigt. Moi les fatigués vivent, être l'hypocrite. Téléphone pour cause derrière, tout vend l'icône pas gâté. Mais arrête, fais croire à moi, ou les sympathies côté. Cause mon monteur, fais mal mon cœur. Moi les fatigués vivent, être l'hypocrite. Téléphone pour cause derrière, mais tout vend l'icône pas gâté. Mais arrête, fais croire à moi, ou les sympathies côté. Cause mon monteur. Fais mal mon cœur. Quels sont de la réunion dans vos oreilles avec nous, Tracine, hypocrite, ça même notre pays. T'as une bonne chanson ça ouais. Jamais des modes bas. Hypocrite, voilà pour toi. Il y en aura toujours. Bon, ça, on passe aux une de la presse. Avec Cécile Thomas, on commence avec le quotidien et le buzz de cette mère de famille sur Facebook. Et oui, la vidéo de la honte, titre Le quotidien, une Saint-Pierroise humilie son fils sur Facebook. La femme a fait un incroyable buzz en filmant et diffusant la violente correction infligée à son fils soupçonné de vol aggravé. Applaudi à sa sortie de garde à vue. Elle comparaîtra devant le tribunal de Saint-Pierre. Autre titre, encore un scandale dans un élevage, le sale coup du lapin. Un élevage décimé par des staphylocoques. Les autorités savaient que la bactérie sévissait dans les élevages. Octroi de mer, la région surtaxe le sucre importé. Festival Écran Jeune, 7000 scolaires attendus à Saint-Pierre. Et puis en judo, Cyril Marais, pardon, un champion pour nos jeunes, écrit le journal. Le même buzz en une du journal de Lille. Et oui, coup de ceinture en direct sur Facebook. La justice éteint le buzz, écrit le GIR. Et puis autre titre, projet de loi égalité réelle, espoir et crainte chez nos députés. Dans la presse nationale, la Syrie en une du journal Le Monde. La nouvelle guerre froide, titre le journal Washington, a mis fin aux discussions avec Moscou après les bombardements d'Alep, peu de temps après que Poutine a suspendu l'accord russo-américain sur le plutonium militaire. Autre titre en Afghanistan, comment le trafic du talc finance l'État islamique et les talibans. Et puis en France, université, l'exécutif entérine la sélection en master. Un TGV en une du Figaro. Avec Alstom, électoralisme à grande vitesse, titre le journal. Hier, l'État a annoncé l'achat de 16 TGV pour sauver l'usine de Belfort menacée de fermeture. Une idée qui ne plaît pas au Figaro, à en croire le titre de son édito, quand l'État déraille. Plus légèrement du cinéma en une de Libération. Oui, c'est mercredi. On a retrouvé Tim Burton, écrit Libé. Son dernier film, Miss Peregrine et les enfants particuliers, sort aujourd'hui en salle en métropole. Il a séduit Libé. Autre titre, les dernières minutes du terroriste de Nice. Et puis cette question, peut-on sauver nos usines alors que l'État doit s'activer pour sauver Alstom? Une étude pointe la fin des fermetures de sites. Où en est-on? Où en est le tissu industriel français? Demande Libé. Une renversante pour l'équipe d'aujourd'hui. Une photo du trophée de la Coupe du Monde à l'envers avec des mains qui la portent, mais du coup qui semblent la tenir vers le bas. Ridicule, titre l'équipe qui n'apprécie pas la formule d'une Coupe du Monde à 48 équipes au lieu de 32. Trop, c'est trop, écrit l'équipe. Autre titre, 1993. Ouh là là. Le cauchemar bulgare. Oh petit souvenir douloureux à lire aujourd'hui dans l'équipe, avant que l'équipe de France n'affronte de nouveau la Bulgarie cette semaine. Et puis en cyclisme, le mondial de Doha pourrait être écourté en raison de la chaleur. Et on se rappelle, hein, le football, le conflit Gérard Houllier, David Ginola, et tout Moi, 93, ça me rappelle quand j'avais choisi le latin. Et c'était pas une bonne idée. J'avais pas choisi David Ginola. aurais pu choisir David Ginola. Ça, oui. C'est ça. Merci, Cécile. Et ce matin, nous n'aurons pas David Ginola, mais nous aurons aussi un beau gosse, un nouveau beau gosse de la télévision. Il est là chaque soir avec Valérie Philin. Il fait du sport aussi, remarquez. Il fait du sport. Oui. Il est spécialiste Grand Raid. C'est l'expert Grand Raid. L'expert Grand Raid. Réunion première de Grand Matin. Bonjour, Jérôme. Désiré. Bonjour à vous. Salut, que de flatteries ce matin. Je ne le mérite pas. Bah oui. Bon, mais si. Et puis en plus, vous êtes réveillé, donc ça tombe c'est bien. C'est déjà bien. Nous, rien que ça nous suffit. C'est clair. C'est la bonne nouvelle. Bon, alors, on est à J-14. Ça y est, on approche. Ah oui, bah là on est dedans. Là, je pense que là, tous les coureurs sont déjà dans leur bulle. Là, ils sont concentrés en train de visionner justement le déroulé de ce parcours-là, de la diagonale. 167 km, on le rappelle, hein, plus de 9700 mètres de dénivelé positif. Voilà, du très très costaud là qui attend. Alors, on a plein de fous, c'est vrai, hein, qui vont s'élancer. Mais les coureurs stars qui sont confirmés aujourd'hui. Alors écoutez, on va commencer par les gazelles, hein, les filles déjà. Donc chez les filles, on a Marcel Puy, donc qui va prendre le départ. Hein, elle sera là, Marcel. Donc on attend beaucoup d'elle. Elle est en grande forme, Marcel. Ouais. On espère qu'elle va ramener la victoire, hein, pour les Réunionnais. On l'attend depuis 2010. On a en face Andrea Heuser, la Suissesse qui l'année dernière avait terminé troisième. Elle avait embêté les deux premières, Nouria Picasse et Émilie Lecomte, et elle est capable de courir le Grand Raid en 28h30. Donc elle est vraiment une ultra favorite avec Marcel, bien sûr. Et attention derrière, parce que on a à voir pour Émilie Lecomte. Émilie Lecomte qui vient de réaliser une course en 6 étapes aux États-Unis à 280 km. Est-ce qu'elle prendra le départ? Donc la question pour l'instant se pose. On a Emma Roca également, une Espagnole. Emma Roca, donc c'est la copine, c'est l'amie de Nouria Picasse. Elle avait terminé à 15 petites minutes derrière Nouria Picasse. C'était sur l'UTMB en 2013, donc un gros potentiel. L'Ultra Trail du Mont Blanc. Encore, travail du Mont Blanc, encore un beau plateau, Jérôme. Alors, très très beau plateau. Jérôme, aujourd'hui, ça y est, le soleil commence, il sort bien. Les conditions météo pour le Grand Raid, c'est important aussi. Est-ce que c'est plus la pluie? Est-ce que c'est plus la chaleur? L'ennemi numéro un du coureur? Ben, je pense que l'ennemi numéro un du coureur, c'est le coureur lui-même, tout simplement. C'est dans sa préparation. Je pense que quand on est ultra trailer, il faut être prêt à aller s'entraîner lorsqu'il pleut, lorsqu'il vente, lorsqu'il neige, voilà, il faut être prêt à tout. Il faut être prêt à tout. À La Réunion, on a des centaines de microclimats, donc il faut être capable d'affronter le froid, d'affronter la chaleur, et ça, c'est pas le jour de la course qu'on le prépare, c'est vraiment bien, bien en amont. La nuit également, la nuit est un facteur déterminant, donc, tous ces facteurs-là, j'espère en tous les cas que tous les coureurs l'ont bien bien intégré dans leur préparation tout au long de l'année, parce que ça va faire, il va faire très chaud, il va faire très froid, il y aura du vent, il y aura de la pluie sûrement, et donc toutes ces conditions-là, c'est ça qui fait que ces coureurs sont vraiment extraordinaires. Jérôme, c'est la 24e édition du Grand Raid. Tu as moins d'une minute pour nous dire quelle est la date qui t'a marqué dans l'histoire du Grand Raid. Alors, la date, j'aimerais rapidement, si tu me le permets, Michael, c'est deux dates. La première, c'est avec Jean-Pierre Lacony. Jean-Pierre Lacony, c'est qui? Jean-Pierre Lacony, c'est celui qui termine en 2011, main dans la main avec Julien Chaurier, terminera dernier sur ce grand raid. C'est beau. Ça m'a marqué parce que Jean-Pierre est devenu un ami par la suite et prendra cette année, le départ du Trail de Bourbon. D'accord. Donc, un grand bonhomme, c'est Jean-Pierre Lacony que j'embrasse. Et la deuxième image, c'est celle de Christine Bénard en 2013. Christine Bénard, que je vois à Marabout, et le jour est déjà levé. Elle pointe à la 10e position chez les dames et c'est la seule à marcher. La seule, toutes les autres, les 9 premières devant, sont en train de courir. Et elle marche. Elle me dit, Jérôme, la course n'a pas encore commencé, on est à Marabout. Plus tard, on apprendra que Christine termine à une superbe 3e place. Ouais, comme quoi, tout est possible. Tout est possible avec la persévérance. Faut jamais larguer. Cette course est intense, cette course est unique et vous la suivrez sur Réunion Première Grand Raid J-14. Merci avec Jérôme. Avec notre spécialiste. Avec plaisir, merci Jérôme. Salut, notre espère. À bientôt. L'espère. L'info-route vous est offerte par Q-Tech, machine à boire Réunion. Sinon, notre espère sur les routes, c'est Yves Gruyé. Bah oui. On espère, en tout cas. Tournant Vidotte, vous connaissez bien ce virage, cette courbe, juste après l'école qui porte son nom, Raphaël Vidotte, donc en amont, du côté de Plateau Mille Roches. Il y a des travaux qui se font entre aménagement de sécurité en ce moment. On est sur la partie entre le rond-point qui part à le collège de Mille Roches et le lycée, et celui du lycée. Donc là, pour le moment, mais la semaine prochaine, comme ce sont les vacances, on va profiter des 15 jours pour faire les travaux d'aménagement de sécurité à hauteur de la rue de l'école Raphaël Vidotte. Voilà, pour éviter de perturber le trafic, bien sûr, pendant cette période scolaire. Voilà, ici, pour le moment, ça roule bien. Je viens de traverser également l'avenue d'Île-de-France et la rue de la République à Saint-André. C'était plutôt fluide. Les ralentissements toujours au bout de ligne droite de quartier français avant d'aborder la marine de Sainte-Suzanne. Et ceci m'attendra jusqu'à Duparc pour les ralentissements. L'entrée est encore à peu près dégagée, en tout cas pour la ligne droite de la Jamaïque. Le pont Vincennes chargé de moitié. L'entrée ouest, bien attention, c'est depuis la Grande Chaloupe, les ralentissements donc pour venir sur Saint-Denis, mais il y a des zones roulantes. Et puis, bonne nouvelle, c'est sous la tranchée couverte de Saint-Paul que démarre le début des quelques difficultés que vous allez subir en provenance de la route des Tamarins vers le nord. Bonne route à tous. L'info-route vous a été offerte par Q-Tech, machine à boire Réunion. Il est déjà 7h sur la première. Le journal de la rédaction est signé Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Elle sera jugée le 17 février prochain. La maman qui a corrigé son fils sur Facebook a été placée en garde à vue hier avant d'être libérée quelques heures plus tard. La vidéo a fait le buzz et continue de diviser. Une centaine de personnes étaient hier devant le commissariat pour soutenir la jeune femme. Aux Assises, Stéphane Bocage et Coralie Francom seront fixés sur leur sort ce soir. Le jeune homme de 26 ans est accusé d'avoir tué le petit Kaylan. 2 ans, il avait avoué les faits. Mais hier, Stéphane Bocage s'est rétracté. Il nie aujourd'hui toute implication. Enfin, en football, 2e et dernier match de poule aujourd'hui pour la Saint-Pierroise. Les Cigognes participent en ce moment à la Coupe des clubs champions aux Seychelles. La Saint-Pierre qui affronte justement les Seychellois cet après-midi.

La situation reste très fragile et les inégalités demeurent importantes. Et ce n'est pas parce que nous sommes en fin de mandat qu'il faut cesser d'agir, il faut même accélérer. Certaines de ces mesures, notamment visant à parachever l'égalité sociale, n'ont pu être débattues, confrontées à l'article 40 de la Constitution. Je pense au complément familial, aux prestations familiales. Aussi, pourriez-vous nous indiquer, Madame la Ministre, quelle avancée majeure le gouvernement entend-il porter sur les sujets précis? La parole est à Madame Erika Baretsch. Les employeurs et travailleurs indépendants des DOM percevront les prestations familiales comme tous leurs collègues de l'Hexagone. Concernant les montants du complément familial, ils seront d'ici 2020 progressivement alignés sur les montants hexagonaux pour 34 000 familles. Et les plafonds de ressources seront alignés dès 2017, qui permettra à 2 400 foyers d'être éligibles à cette prestation. Enfin, une première trajectoire d'alignement de l'AVPF concernera 5 000 personnes qui verront leur pension augmenter de 20%. Monique Orphée et Erika Baretsch hier à l'Assemblée à l'occasion des questions au gouvernement. Parmi les mesures annoncées, il y a l'école obligatoire de 3 à 18 ans et on l'a entendu, l'alignement des prestations sociales. On en reparlera avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit après ce journal Valérie Roux, la directrice régionale de l'INSEE. Au menu également les 70 ans de la départementalisation. Allez, on passe au sport avec du football et la Coupe des clubs champions de l'océan Indien. Ça se passe aux Seychelles, la Saint-Pierroise est sur place. Après leur victoire 4-1 lundi face aux Mauriciens du cercle de Joachim, les Cigognes affrontent cet après-midi la Passe FC, le club séchellois. En cas de succès, les sudistes se qualifieraient pour la finale. Mais ça s'annonce compliqué, Patrick Ramoudou. La Saint-Pierroise s'attend forcément à souffrir cet après-midi puisqu'elle affronte la Passe FC chez elle. En plus, le match ne se joue pas à Victoria, stade synthétique qui a vu les Saint-Pierrois ne faire qu'une bouchée des Mauriciens, mais à Pralin. Les supporters seychellois devraient donc être en masse pour pousser leur couleur à la victoire. Mais même si les Cigognes sont en terrain miné, ils ont les atouts en main pour arracher cette qualification pour la finale. Des buteurs très affûtés comme Bouesso, Sophie et Louricourt, décisifs lundi. En plus, ils sont très motivés, surtout que les Saint-Pierrois n'ont jamais participé à cette Coupe des clubs champions de l'océan Indien, alors forcément, ils ne veulent pas rater ce premier rendez-vous. La Saint-Pierroise doit donc gagner pour se hisser en finale dès cet après-midi, et en cas de match nul, elle devra attendre vendredi et la confrontation entre Seychellois et Mauriciens. Alors, autant ne pas se mettre le doute dans la tête et gagner. Et coup d'envoi de ce match Saint-Pierroise, La Passe FC à 15h. On termine avec la 7e édition du Salon du Livre Jeunesse de l'Océan Indien. Ce salon démarre aujourd'hui à la halle des manifestations du port. La dernière fois, l'opération avait attiré plus de 18 000 visiteurs, en majorité des élèves. Et justement, comment intéresser les jeunes à la lecture? C'est le thème de C'est dans l'actu ce midi. Vos réactions au 02 62 99 2000. C'est la fin de ce journal local. Place à l'actualité en France et dans le monde avec nos confrères de France Info. Ce matin, Fanny Bouvard, on s'intéresse à l'ouragan Matthew. Cuba, sous les vents de l'ouragan Matthew, l'œil du cyclone frappe en ce moment même l'est de l'île. Selon la télévision publique, 1 300 000 personnes ont dû être évacuées. Des évacuations qui se préparent aussi aux États-Unis où Matthew est attendu dans les prochaines heures. Environ 1 million d'habitants de la Caroline du Sud seraient concernés. À Haïti, en République dominicaine, touchée hier par les vents, on dénombre au moins pour l'instant 7 morts. Aux États-Unis, le deuxième grand débat de la présidentielle, c'est en ce moment un débat qui passe plutôt inaperçu car il oppose les deux candidats à la vice-présidence désignée il y a maintenant 3 mois. Deux hommes dans l'ombre d'Hillary Clinton et de Donald Trump, le démocrate Tim Kaine, sénateur de Virginie, et le républicain Mike Pence, le gouverneur de l'Indiana. Environ 40% des Américains avouent ne pas les connaître selon un sondage réalisé par la télévision ABC. En France, Emmanuel Macron n'a pas encore déclaré sa candidature à l'élection présidentielle, mais il durcit le ton. L'ancien ministre de l'économie était en meeting hier soir à Strasbourg et il a distribué quelques coups à ses potentiels adversaires. Dans son viseur, notamment Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Sans les citer, il a évoqué les affaires judiciaires impliquant des responsables politiques et des fautes disqualifiantes, selon lui. Emmanuel Macron en a aussi profité pour dévoiler l'ébauche d'un programme politique pour répondre, dit-il, au malaise démocratique des Français. Une bonne nouvelle pour l'emploi dans les Hauts-de-France. Le géant du commerce en ligne Amazon va y créer 750 emplois d'ici 2020. Sa plateforme déjà existante près de Douai, dans le Nord, va être agrandie. Mais surtout, un nouveau site va être construit près d'Amiens. Ce sera le plus grand de France avec 500 employés. Il avait été interpellé vendredi dernier à Clichy, soupçonné d'avoir voulu commettre une attaque. Un jeune homme de 18 ans, en lien avec le djihadiste français Rachid Kassim, a été mis en examen et écroué hier soir. Il était jusqu'alors inconnu des services de renseignement. Il a été mis en examen pour association de malfaiteurs criminels en relation avec une entreprise terroriste. 610 voix pour, 38 contre. Hier, les eurodéputés ont ratifié l'accord de Paris sur le climat, texte rédigé en décembre dernier lors de la COP21 et qui doit encadrer la lutte mondiale contre le réchauffement climatique. Déjà adopté par les principaux pays pollueurs de la planète, notamment les États-Unis, la Chine et l'Inde, l'accord devrait rapidement entrer en vigueur. Les chiffres sont impressionnants. Au large de la Méditerranée, plus de 4600 migrants ont été secourus ce mardi et les secouristes ont retrouvé 28 corps sans vie dans une cale, des migrants étouffés. Lundi, déjà plus de 6000 personnes ont été sauvées par les gardes-côtes italiens. 7h12 sur la première. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Coquillages crustacés. Sur la plage ensoleillée. Sinon, il y a Soleil, voilà l'été. Il y a beaucoup de messages pour nous dire on se tait parce qu'il y a du soleil, ce serait dommage que ça change. Il y a du soleil partout et ça va continuer, on vous l'avait promis. Puis la semaine dernière que ce soleil allait arriver avec de la chaleur. Première chaleur estivale certainement aujourd'hui. Le temps qu'Isa finisse sa petite chanson, mais je vais vous dire ce qui se passe aujourd'hui dans le ciel. Quelques nuages sur le sud-ouest, sur le tampon, sur le Dimity, ça sera cet après-midi. Partout ailleurs, les éclaircies seront prédominantes. Et les températures seront chaudes. On ira jusqu'à 30 degrés sur le littoral, voire on le dépassera. Bref, profitez bien de ce mercredi. On vous l'avait promis, il est là. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Yves Gruyer, c'est à vous. Ah ben voilà, c'est arrêté. Vous est présenté par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Vous êtes au carrefour de Bracanote. Avec un peu de ralentissement depuis la fin de la 80, depuis l'échangeur de Beaulieu, là, actuellement, donc à hauteur de la grande surface, pour rejoindre ce carrefour de Bracanote. Un soleil, un coup d'œil également sur la rivière des Marsins, voir si il y a des poissons dans l'eau. On ne sait pas tout ce qui se passe tous les jours ici. Bref, enfin, c'est plus le carrefour qui bloque. La circulation, attention, avec ce changement de chaussée, petit dénivelé entre le premier tapis, enfin le premier enrobé et le tapis neuf. Donc attention, ça se passe dans la courbe après la ravine Brapanon et juste avant la rivière des Roches. Donc voilà où se situe la nouvelle zone d'enrobé. Attention, il y a des travaux de marquage qui vont se faire sur ce tronçon qui a été réalisé cette nuit, puisque là donc les travaux se font en journée. Pour le marquage, il y aura une voie de neutralisée. Tout à l'heure, ça se passera après 9h. La circulation, donc en provenance de l'Est, toujours des ralentissements depuis Sainte-Suzanne, donc pour rejoindre Saint-Denis, mais c'est un bouchon continu maintenant jusqu'au niveau du Chaudron. Ralentissement sous la tranchée couverte côté mer, qui est pleine, côté le pont Vinsade, c'est plein également. L'entrée ouest, toujours au niveau de la Grande Chaloupe. Et puis 100 mètres avant la tranchée couverte de Saint-Paul, ça roule toujours du côté de Boucan et dans la descente du Tampon. L'inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaelaboudou.com. À suivre l'invité de Grand Matin, Valérie Roux, directrice régionale de l'INSEE. La région Réunion lance le pop nouvelle génération. Let's go. Le pop 2. Pop 2. Et en seconde ou apprenti, dès le mois d'octobre, ton bon pop est disponible pour l'achat de ton ordinateur portable. Tu peux aussi bénéficier d'une connexion internet. Pop 2. Sous condition de ressources. Comment obtenir ton bon pop 2? Retrouve toutes les infos et les critères d'éligibilité à la connexion internet sur le www.régionreunion.com. Zatième devinette? Devinez. Qu'est-ce que c'est gratuit? Les zones 5 à couvert VA et Asperazade dans notre pharmacie, il ne peut pas s'en passer, c'est tant tellement les gaillards pour la sécurité de toutes. Alors, comment ça il est? Ben oui, si le petit bac ou ancien coûte tout ça qui pique, des aiguilles, seringues, ça me lancette, ça pour contrôle diabète là. Si vous faites autre soin ou tout seul, et si vous voulez connaître un peu plus comment prothèse à ou sans autre famille, viens voir sidastri.fr. DASTRI, d'Astrie ou en Sèvres, Outry et Niramas. Il n'y a pas d'âge pour créer sa boîte. Grâce au microcrédit et à l'accompagnement des équipes de l'ADI, il est possible de créer ou développer sa propre entreprise avec un microcrédit. Rendez-vous avec l'ADI et ses partenaires du 10 au 14 octobre 2016. OT, microcrédit et aide à ouvrir votre boîte. Plus d'infos au 0969 328 110. Appel non surtaxé. Ensemble l'ADI, Nena l'avenir. Et il est 7h16 sur la première, c'est l'heure de l'invité de Grand Matin avec vous, Philippe Dornier. Bonjour Philippe. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Et ce matin vous recevez Valérie Roux, directrice régionale de l'INSEE. Valérie Roux, bonjour. Bonjour. 70 ans que la Réunion est passée du statut de colonie à celui de département. Vous en profitez pour dresser un bilan de cette départementalisation avec un colloque aujourd'hui et demain dans l'hémicycle du Palais de la Source. 70e anniversaire qui coïncide avec l'examen de la loi sur l'égalité réelle. Notre île affiche encore beaucoup de retard. C'est aussi ce que vous observez. Oui, alors regarder sur 70 ans d'où l'on vient permet de voir deux choses principalement. D'abord qu'on partait de très loin, avec des écarts vraiment très marqués avec la métropole. Par exemple, l'espérance de vie était 17 ans plus faible à La Réunion qu'en métropole en 1946. 17 ans. 17 ans. Aujourd'hui, à peu près 2 ans d'écart. Donc on voit bien qu'on n'a pas rattrapé. Mais on a quand même beaucoup comblé l'écart. Et c'est vrai dans beaucoup de domaines. C'est un peu ce qu'on observe quand on se penche sur le passé et que l'on regarde d'où l'on vient. L'ambition de la loi, puisque je vous parlais d'égalité réelle, c'est d'effacer les inégalités, pour le coup, d'ici 20 ans. C'est un objectif réaliste ? Alors, ça va dépendre des domaines et certainement qu'il va falloir des actions fortes pour y arriver. Mais on voit que malgré tout, les choses continuent d'évoluer ces dernières années. Si je prends l'éducation, par exemple, on a encore beaucoup de retard. Encore 1 jeune sur 3 qui sort du système scolaire sans aucun diplôme à La Réunion, contre 1 sur 5 en métropole. Mais en 1999, c'était pas 1 sur 3, c'était 1 sur 2. Donc, on voit qu'il y a encore beaucoup d'évolutions en cours et on peut être ambitieux, effectivement, pour y arriver d'ici les 20 ans à venir. Il y a un mot qui a été à la mode pendant très longtemps, et notamment dans le domaine de l'éducation, c'est le mot rattrapage. Des plans de rattrapage aussi pour les prestations sociales, dans le domaine de la santé. Est-ce que ça a toujours fonctionné ? Alors, ce que j'observe au niveau des données, c'est qu'effectivement, la mise en place s'est faite progressivement après la départementalisation. On voit bien qu'au départ, les fonctionnaires sont arrivés un peu au compte-gouttes, puis de plus en plus nombreux, que les institutions se sont mises en place progressivement et les allocations, par exemple les prestations sociales, au départ étaient moins importantes qu'en métropole et qu'il y a eu un rattrapage progressif. Ce rattrapage, il a eu des effets ensuite, effectivement, au niveau des conditions de vie, puisque, par exemple, le revenu des habitants à La Réunion a été multiplié par 200 en 70 ans. Et si on regarde le revenu par habitant que l'on compare à la métropole, on était en moyenne à 20% du revenu par habitant métropolitain jusque dans les années 70, même 90 d'ailleurs. Et aujourd'hui, on est à 80%. Donc, il y a un rattrapage. La consommation des Réunionnais a été multipliée par 4. Un exemple qu'on a pris, qui est un peu symptomatique, c'est la consommation de viande et de poisson. En 1946, on consommait l'équivalent de 2 mois et demi de consommation d'aujourd'hui. Consommation d'un an en 1946, c'est la consommation aujourd'hui de 2 mois et demi. De 2 mois et demi, voilà. Donc, on voit bien qu'il y a eu quand même des revenus qui ont augmenté. Ça a permis à la consommation de s'améliorer. On sortait d'une pénurie, vraiment d'une disette alimentaire en 1946. Et ça a permis aux Réunionnais d'accéder à d'autres choses qu'à de l'alimentaire et à diversifier leur mode de consommation. Mais ceci dit, vous parlez toujours de pauvreté hors norme aujourd'hui, c'est comme ça que vous la qualifiez ? Oui, alors on est aujourd'hui en moyenne à 80% du revenu par habitant de métropole, mais ce qui caractérise La Réunion, c'est encore l'existence de très fortes disparités, notamment entre ceux qui ont un emploi, qui accèdent à l'emploi, et ceux qui n'y accèdent pas. Si bien qu'on a encore un taux de pauvreté de 42% qui est 3 fois plus important qu'en métropole. Et là, effectivement, on se dit qu'il y a encore à faire pour tendre vers l'égalité. Alors, petit voyage dans le temps, à quoi ressemble La Réunion en 1946, sachant que la colonie a subi un blocus maritime pendant la Seconde Guerre mondiale ? Alors, comme je disais, au sortir de la guerre, c'est vraiment la pénurie qui règne et la principale préoccupation des Réunionnais et des politiques, c'est de donner à manger à la population. Il y a 242 000 habitants, c'est pas inintéressant parce que c'est à peu près la population de Mayotte aujourd'hui, pas très loin, et la population va être multipliée par 3,5 en 70 ans. Alors en 1946, les femmes font beaucoup d'enfants. Et elles en perdent beaucoup aussi. Donc on a 6 enfants par femme, mais on a une mortalité infantile très très forte. Un chiffre qui a retenu mon attention, c'est que la moitié des décès concernaient des enfants de moins de 5 ans en 1946. Et les premiers progrès vont être sur la santé, en fait, après la départementalisation, et sur la baisse de ce taux de mortalité, notamment infantile, qui va être divisé par 20 en 70 ans, mais qui reste encore aujourd'hui 2 fois plus important qu'en métropole. Donc on voit bien à chaque fois des évolutions énorme en 70 ans. Je pense vraiment la Réunion est un modèle, enfin, pour avoir connu des transformations aussi fortes en aussi peu d'années, mais encore des différences malgré tout avec la métropole. À l'époque, on peut considérer la Réunion comme une terre nourricière. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par terre nourricière, mais par rapport gros, à l'agriculture, voilà, qui était prépondérante. Ce qui fait travailler les gens, c'est l'agriculture. 2 emplois sur 3 sont dans l'agriculture et toute l'économie est rythmée par les campagnes sucrières. Et ça nourrit aussi les gens. Exactement. Difficilement, mais ça les nourrit. Et effectivement, l'emploi ne va cesser d'augmenter durant toutes ces années, mais va beaucoup se transformer. L'agriculture aujourd'hui n'emploie plus que 3%. Et pourquoi elle s'est retrouvée en perte de vitesse ? Bah parce qu'il y a eu quand même des gains de productivité qui font que finalement, on arrive à produire autant aujourd'hui avec beaucoup moins de main-d'œuvre. Et puis, il y avait des besoins autres, à part l'agriculture, des besoins en termes de services. Il y a des fonctionnaires qui sont arrivés, il y a des services aux entreprises, il y a l'hôtellerie-restauration, il y a le commerce. Le commerce s'est beaucoup développé. Il faut savoir qu'on a 6 fois plus de commerce aujourd'hui qu'en 1946. Les grandes surfaces sont apparues. Et donc, aujourd'hui, on est dans une économie de services, finalement, comme en métropole. Là, on ressemble beaucoup à la métropole. Et le premier employeur, c'est la fonction publique avec 1 emploi sur 3. Alors, il a fallu attendre les années 90 pour aligner les prestations sociales sur la métropole. Comment ça s'est opéré ? Progressivement, je dirais. Alors, il est vrai que quand on regarde le passé, on voit qu'il y a eu beaucoup d'innovations quand même à La Réunion. Il y a eu la création du FASO qui consistait à regrouper des prestations sociales plutôt que de les verser aux personnes, à les regrouper pour financer, je crois, les cantines scolaires et que du coup, les enfants puissent tous être nourris gratuitement. Donc, il y a eu vraiment des innovations dans l'utilisation des allocations familiales. Mais il y a eu aussi des allocations qui n'étaient pas au même niveau qu'en métropole et qui ont progressivement rattrapé. L'alignement, on considère qu'il est achevé en 2000. Donc, ce n'est pas si vieux, en fait. Et c'est ça qui explique, en partie, le très fort rattrapage qu'on observe entre les années 90 et les années 2000 dans les revenus des Réunionnais. Aujourd'hui, les prestations représentent à peu près 30% des revenus versés à La Réunion. Et l'application du RMI en 1989, ça, on peut considérer ça comme un tournant ? Oui, alors le RMI, c'est vrai que c'est, enfin, ce revenu de base pour tous, c'est quand même, même pour la France, un événement important. Et dès la première année de mise en place, il y a eu énormément de demandes à La Réunion parce que ça répondait bien à une problématique, à une difficulté d'accès à l'emploi. Et je crois que l'accès à l'emploi reste un des problèmes très forts à La Réunion qui engendre la pauvreté, en fait. On a aujourd'hui seulement 47% des personnes en âge de travailler qui ont un emploi, contre 64% en métropole. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut essayer d'agir, parce que si on est pauvre, c'est parce qu'on n'a pas d'emploi. C'est pas parce qu'on est moins bien rémunéré à La Réunion. Quand on a un emploi, les salaires sont équivalents à la métropole. Mais l'accès à l'emploi est plus difficile qu'ailleurs, notamment parce qu'il manque des emplois dans le secteur privé. Et donc, il faut instruire les nouvelles générations pour qu'elles puissent créer de l'activité et de l'emploi à La Réunion. Oui, parce que vous nous décrivez une société de fonctionnaires un petit peu dans les années 80-90 et jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a eu une montée en puissance des fonctionnaires qui était quasi inexistant quand même au moment de la départementalisation. Mais aujourd'hui, quand on regarde le nombre d'emplois publics par habitant, on est au même niveau que la métropole. Mais si on regarde le nombre d'emplois publics rapportés à l'emploi, on est au-dessus. Pourquoi ? Parce qu'il nous manque des emplois dans le secteur privé. Donc, on n'est pas suradministré, je dirais, mais il manque de l'emploi dans le secteur privé. Et donc, il faut essayer de diversifier et puis de créer encore des emplois privés à La Réunion. Et le niveau de vie, avec tout ça, il s'est amélioré progressivement ou de façon fulgurante ? Comment ça s'est passé ? Alors oui, le niveau de vie au niveau macroéconomique, on le mesure par le pouvoir d'achat, donc le revenu distribué par habitant. L'amélioration a été très progressive entre 1950 et 1990. Parce que les prestations montaient progressivement, parce que la population augmentait très vite. Et il y a eu un boom entre 90 et 2000. C'est là où on est passé de 20% du pouvoir d'achat métropolitain à 70%. Donc on voit bien qu'il y a eu un très gros boom. Aujourd'hui, le revenu continue de croître, mais plus modérément avec la crise. et les équipements des ménages dans différents domaines, il est au même niveau qu'en métropole ou pas ? Alors là-dessus, c'est vrai que sur le logement et sur les équipements, on peut dire qu'on a quasiment atteint le niveau de métropole. Par exemple, 99% des ménages ont un frigo, 95% un lave-vaisselle, un lave-linge, 95% une télé. Reste les voitures, il y a eu un très fort développement du parc de voitures, mais seulement 71% des Réunionnais ont au moins une voiture contre 81% en métropole, à mettre en lien avec le niveau de revenu des Réunionnais qui est plus faible. Beaucoup de choses à dire sur l'évolution de La Réunion en 70 ans. C'était le 19 mars, le colloque a lieu le 5 octobre. Pourquoi ce décalage ? Parce que c'est très long d'organiser un colloque comme ça et qu'on s'y est pris il y a à peu près un an et que c'était injouable en quelques mois d'y arriver. Donc on a retenu l'année et on a pris le temps de bien préparer les choses et d'essayer d'avoir un maximum de grands témoins qui ont vécu aussi ces évolutions et qui vont pouvoir témoigner pendant ces deux jours. Et un colloque ouvert au grand public, au Palais de la Source ? Alors, il faut s'inscrire. Donc, s'il y en a qui souhaitent encore s'inscrire, ils peuvent téléphoner à l'INSEE aujourd'hui. Il doit rester encore quelques places, mais c'est sur inscription. Valérie Roux, merci d'avoir été l'invitée de Réunion Première ce matin. Bonne journée. Merci. Valérie Roux, directrice régionale de l'INSEE, on retiendra dans le secteur privé qu'il faut encore plus développer. C'est sur le front de l'emploi. Et vous retrouverez cette interview à 13h30. Le bonheur, il est avec Joe Jonathan. Oui, mais il n'est pas sur la route, hein. Soyez prudents sur la route des Tamarins. On fait le point dans un instant avec un véhicule en travers. Et puis juste derrière, c'est Cécile Thomas qui arrive pour l'actualité. Je passe le clair de mon temps, juste à passer le temps. Repasser les chemises que j'ai portées le jour d'avant. Je passe le clair de mes nuits, à repenser la vie. À passer en revue une dernière fois mon aujourd'hui. Alors je me dis, c'est peut-être que je vieillis. Je veux pas laisser passer ma vie. Le bonheur c'est pas le but mais le moyen. Le bonheur c'est pas la chute mais le chemin. Mon bonheur c'est toi, mon bonheur tu le sais. Les cahiers, les dessins que j'ai gardés du jardin d'enfant. Je passe mon temps à penser à l'avant, à l'après. Allez, c'est décidé, je veux profiter de mon présent. Alors je me dis, c'est peut-être que je vieillis. Je veux pas laisser passer ma vie. Et vous êtes bien dans Grand Matin sur Première avec Joe Jonathan. Le bonheur sur la route, pas vraiment. L'inforoute vous est offerte par Qtech, machine à boire Réunion. Surtout en direction de Saint-Pierre. C'est à vous Yves. Oui, avec cet accident, mais enfin il n'y a pas de gêne, pas trop de gêne à la circulation. Si la voie de droite est neutralisée pour cette conductrice, elle est loin du bonheur puisque elle a fait sa perte de contrôle suite à un comportement d'un autre véhicule, enfin d'après elle. Mais qui lui a continué sa route, donc elle s'est retrouvée à faire à tête un queue et donc lui taper la glissière côté droit, donc 500 mètres avant l'aire de la Saline, c'est en direction de Saint-Pierre. La patrouille est arrivée, comme la voiture empiétait, notamment le nez et le capot de la voiture empiétait sur la voie de droite, la voie est neutralisée. Ralentissement toujours à hauteur, alors un petit peu après l'échangeur de plateau caillou, ça roule toujours en fond boucan pour le moment. Sur la route littorale, c'est avant la grande chaloupe pour les ralentissements, pour une salle plein, tranchée mer également, une entrée est bien dense, mais avec des ralentissements qui démarrent dans la montée de Bel Air jusqu'à la Marine, ça roule. Voilà, ici, du côté de Bras-Fusier, parce que les travaux d'aménagement de sécurité, je vous en parle tout à l'heure. L'inforoute vous a été offerte par Qtech, machine à boire Réunion. Il est 7h30 sur la Première.

J'aimerais être un gendarme. Et ils sont nombreux, dans son cas, à avoir intégré M. Saïdi et désormais avoir trouvé leur voie. Il y en a qui ont passé le bac, il y en a qui ont des CAP. Ah oui, il y en a, heureusement, parce que ce ne sont pas des enfants. La seule difficulté, elle est linguistique. Au niveau cognitif, ils n'ont aucun problème. Donc dès qu'ils sont dans la scolarité, comme ils sont jeunes, dès qu'ils ont un projet, ben, ça marche, quoi. C'est le cas, par exemple, d'Oum Koulsoum. Elle a 15 ans et a passé 9 mois au centre M. Saïdi. Depuis son départ, le mois dernier, elle a intégré une formation en CAP. J'ai fait le CAP Petite Enfance, première année, pour devenir sage-femme. Et si j'aurai mon diplôme de CAP Petite Enfance, je vais ouvrir une crèche. Et ils sont une trentaine, dans son cas, l'année dernière, à avoir réussi à décrocher une formation en profitant de M. Saïdi. Une goutte d'eau, malheureusement, dans l'océan des laissés-pour-compte à Mayotte. Un reportage de nos confrères de Mayotte Première. 7h36 sur Réunion Première, la suite du journal avec Cécile Thomas. Et on reste dans le milieu scolaire avec cette dernière journée de rencontres et d'échanges pour Latifa Ibn Ziaten. Hier, elle a de nouveau évoqué la disparition de son fils, tué par le terroriste Mohamed Merah en mars 2012 à Toulouse. Depuis, elle prône le dialogue et lance des messages à tous ceux qui se laisseraient tenter par la radicalisation islamiste. Hier matin, elle se trouvait avec les élèves du lycée Vubel à Saint-Gilles-Léo. Delphine Pounroux. Son fils a été assassiné par Mohamed Merah. Et aujourd'hui, Latifa Ibn Ziaten raconte ce qui lui est arrivé avec la même émotion. Mon fils, il n'a pas compris. Et mon fils, il lui dit, tire, mais je ne me mettrai jamais à genoux. Et Mohamed Merah, il a tiré la première balle. Il a fait quelques pas. Et mon fils est tremblé. Et il est revenu. Il a rajouté une deuxième. Il lui a dit, Allahu Akbar. Il est parti. Face à elle, un auditoire bouleversé jusqu'à la fin. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont ce vécu et ça m'a beaucoup touchée. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous ? Elle est très courageuse de ce qu'elle fait et c'était vraiment intéressant. Elle nous a arraché des larmes. C'est une femme qui aurait pu tomber dans la violence, tout simplement. Mais aujourd'hui, pas de colère pour Latifa Ibn Ziaten. Juste ce message, dites non à la radicalisation. Un message entendu par les jeunes réunionnais. Moi, je trouve qu'ils ont tort. Hein. Eux, ils pensent qu'à eux et ils ne voient pas ce que les autres après peuvent subir. Après, on va perdre des gens, faire mesure des gens. Les gens vont se convertir et tout. Et puis, ben, on va tout perdre. C'est pas bon. Des jeunes, surtout conscients du précieux vivre ensemble que leur offre leur île, sans barrière religieuse ni ethnique. Delphine Poudroux, le projet de loi justement sur l'égalité réelle devant les députés, le texte était présenté hier à l'Assemblée nationale, il est constitué de 112 articles, il s'agit de réduire les écarts entre les départements d'outre-mer et ceux de l'Hexagone, une démarche vertueuse à laquelle ne croit pas le PCR. Pour le Parti communiste réunionnais, cela fait 70 ans que les inégalités entre la Réunion et la métropole existent, il ne voit pas comment elles pourraient être gommées en 20 ans avec ce nouveau texte, Priscilla Etève. Pour le Parti communiste réunionnais, aucun amendement dans ce projet de loi n'évoque des problématiques de fond, comme par exemple l'avenir de la filière canne avec la fin des quotas sucriers annoncés pour l'année prochaine. Elle entraînerait la ruine des planteurs et la disparition d'une filière qui compte 18 000 emplois, alerte le PCR. Autre point passé sous silence, les accords de partenariats économiques. Ces accords qui permettent aux pays de la zone Afrique-Caraïbe d'exporter sans taxe dans l'Union européenne provoqueraient sans nul doute la mort du tissu économique de la Réunion. Dans ce texte, rien non plus sur le changement climatique, constate le parti, et encore moins sur l'alinéa 5 de l'article 73 de la Constitution, autrement dit sur le paragraphe qui interdit aux collectivités locales de légiférer et d'adapter des lois comme en métropole. Si ces problématiques ne sont pas abordées à l'Assemblée nationale, alors la loi dite d'égalité réelle ne peut pas atteindre ses objectifs avant même qu'elle ne soit votée, estiment les membres du PCR. Priscilla Etève, un dernier mot juste pour vous dire que s'ouvre aujourd'hui le salon du livre Jeunesse, c'est à la halle des manifestations du port jusqu'à dimanche, il a lieu tous les deux ans et c'est l'occasion notamment de rencontrer les auteurs. Merci Cécile, excellente Merci journée. Merci Cécile, à demain. À demain. 7h40 sur la première. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Mais dis donc, c'est presque l'été, Michael. Alors, c'est une question ou une affirmation pour toi, Isa? Les deux, parce ouais. que... Oui, non, mais là, je regarde, soleil pète, le ciel bon, est bleu, c'est presque l'été. Il y a un signe qui ne trompe pas, en tout cas, c'est la pression atmosphérique. Pression atmosphérique. Oui. Les pressions d'été sont souvent en dessous de 1015 hectopascales, celles d'hiver sont au-dessus de 1015 hectopascales. Et bien, on s'approche des pressions d'été, puisqu'aujourd'hui, à Gilo, 1016 hectopascales, alors qu'on avait 1020, 1021, voire 1022 la semaine dernière. L'été est presque là, mes amis, avec un ciel bleu sur le département, un ciel qui sera dérangé par seulement quelques nuages cet après-midi. Ils seront un peu plus nombreux quand même sur les hauteurs du sud-ouest. Le tampon, le dimithyl ou encore les hauteurs des MAC. Peut-être là, un peu d'averse hein, dans le courant de la journée. Partout ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies. Les températures vont grimper avec ce soleil. On vous l'avait promis depuis la semaine dernière. À la mi-journée, on devrait avoir pas loin de 30 degrés sur le littoral, voire on les dépassera. 22, 23 degrés dans les cirques. Le bon ensoleillement va favoriser donc des températures au-dessus des normales de saison. Profitez bien la journée de mercredi. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Le point trafic avec Yves Gourier tout de suite. L'inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaelaboudou.com. Et comment ça se passe Yves avant 8h? Ça se passe à peu près bien pour ce mercredi, on va dire à peu près bien. Hein. Donc en dehors de cet accident, la conductrice attend son dépanneur et la voie de droite toujours neutralisée 500 mètres avant vers de la Saline sens nord-sud en direction de Saint-Leu. Prudence donc pour passer cette zone, mais enfin c'est suffisamment visible, même si ça se passe dans une courbe. Hein. Donc après l'Ermitage, je rappelle, et en direction de Saint-Pierre. La circulation qui se fera tout à l'heure avec une voie neutralisée sur la tranchée couverte de Saint-Leu. Également au programme dans la matinée, la fermeture définitive, il y a eu un peu de retard, ça devait être fait hier après-midi, ça se fera dans la matinée, donc au niveau de la pointe des châteaux, cette partie historique où on circulait avec deux voies vers le nord et une voie dans côté mer pour descendre avec un grand terre-plein central, et bien donc on vous serait basculé et circulation uniquement à double sens sur la partie côté montagne, la partie donc délaissée, un petit peu comme sur la 4 voies de Saint-Gilles, et bien servira parfois de parking pour les grands événements de Saint-Leu également donc avec une piste cyclable encore élargie. Voilà donc le programme là-bas. Puisqu'on parle de travaux, je vous rappelle l'information importante, n'oubliez pas que dimanche la route du littoral sera totalement fermée de 6h30 à 12h30, aucune déviation sauf celle de la route de la montagne ou par la route des plaines pour circuler du sud vers le nord. Voilà, donc prévoyez d'ores et déjà vos déplacements pour dimanche matin. Des ralentissements ici sur Saint-Benoît, donc ça se passe pas trop mal, il y a un petit peu de monde en provenance de Sainte-Rose, entre le rond-point des Plaines, vers le carrefour de Bracanotte, hein, tout à l'heure. L'inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaelaboudou.com. Grand matin avec Isabelle Waro et Mickaël Laurette. Chaud cacao, cacao. Chaud chocolat. Belle si journée. Si tu me donnes tes noix de coco, moi je touche tes ananas. Chaud, cacao. Me lance pas. Ouais, parce que t'es parti, hein, j'aurais pas dû te lancer. Jamais. Belle journée sur La Réunion, belle journée dans Grand Matin, belle journée sur Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur la fanpage. Et ça, ça Grand nous fait matin, vachement plaisir, dis donc. Hein. GRAN, oui. Plus loin matin, voilà, c'est ça. Tout simplement. Et puis le 06 92 70 2000, bah, vous êtes aussi nombreux. Eh oui, envoyez-nous vos messages. Plein de messages, vous avez bien compris que là, il ne reste plus beaucoup de temps avant de faire le tirage au sort. Pour les invitations pour aller au cinéma aujourd'hui et surtout pour participer au grand tirage au sort vendredi pour repartir avec ces invitations pour aller à l'hôtel, à Sillaos, oui. Le Vieux Cep, tout ça avec la personne de votre choix, faire tout des câlins, pour vous. Tout ça, c'est génial. Si vous likez, en tout cas la fanpage, ou vous likez par SMS, voilà des cadeaux pour vous. À la c'est ça. Donc c'est le moment d'y aller parce qu'après il sera un peu trop tard les amis. Tout simplement, le zapping arrive avant 8h, encore du grand n'importe quoi dans zapping, mais d'ici là, eh bien, Daniel Waro. T'es là, des gaz à nous incontournable. Monter gaz à nous vitement. Monter gaz à nous vitement. Monter au bout à nous vitement. Oui, gaz à nous vitement. Et n'a col col n'a pas piquant. Mon montalé en a bilaté. Zanime ça dans la misère. Des gaz à nous vitement. Des gaz à nous vitement. Mon monter au bout à nous vitement. De bout à nous vitement. Sakouya nous vitement. Sakouya nous vitement. Ote te gaz à nous vitement. Te gaz à nous vitement. Dans les hauts de si l'océan. Mama jolie petit païen. Que ça n'y gagne à piwa voler. Te gaz à nous vitement. Te gaz à nous vitement. Momo de bout à nous vitement. De bout à nous vitement. Ote te gaz à nous vitement. Te gaz à nous vitement. Ote te bout à nous vitement. De bout à nous vitement. Il fait frais n'est pas mauvais temps. Ote mi ta ou en temps. Na la neige en bas l'horizon. Des gaz à nous vitement. Des gaz à nous vitement. Des bouts à nous vitement. Des bouts à nous vitement. Des gaz à nous vitement. Des gaz à nous vitement. Sakouya nous vitement. Sakouya nous vitement. tropicaux. Mon montalé n'a plus la terre. Les animaux ça dans la misère. Dégage à nous vite mort. Dégage à nous vite mort. Mon monde au bout à nous vite mort. De bout à nous vite mort. Ça couille à nous vite mort. Ça couille à nous vite mort. Faut dire dégage à nous vite mort. Dégage à nous vite mort. Nous t'y l'en gaz y perd le sang. Au tir qui les massalé. Ni connu pibé qui s'annulé. Dégage à nous vite mort. Dégage à nous vite mort. Moi tout bout à nous vite mort. Tout bout à nous vite mort. Maman dégage à nous vite mort. Dégage à nous vite mort. Où t'es de merde vite mort. Dégage à nous vite mort. Rien à s'habiller l'océan. Ça le peuple, ça même mon nation. Ça nous t'y paye la réunion. Dégage à nous vite mort. Dégage à nous vite mort. Où t'es tout bout à nous vite mort. Tout bout à nous vite mort. Dégage à nous vite mort. Dégage à nous vite mort. Ça couille à nous vite mort. Eh ben non, on est là, Daniel Waro, on reste là dans Grand Matin jusqu'à 8h. On dégage, pas tout de suite. Et on... Les zones, 5 à couvert VA, y asperazone dans notre pharmacie, il peut pas s'en passer, c'est tant tellement les gaillards pour la sécurité de toutes. Alors, comme ça il est? Ben oui, si le petit bac ou en sieve pour traiter tout ça qui pique, aiguilles, seringues, sang lancette, sac pour contrôle diabète là. Si vous faites autre soin ou tout seul, et si vous voulez connaître un peu plus comment prothèse à ou sans autre famille, viens voir sidastri.fr. D-A-S-T-R-I, Dastri, ou en sieve, outri et ni ramasse. Et il vous reste 3 minutes pour liker la fanpage Facebook ou envoyer un message au 06 92 70 2000 si vous après voulez repartir avec vos places de cinéma ce matin et peut-être aller en week-end à Sillaos. Après, oui, effectivement. Finite. Termito. Termito. Termito. Termito, c'est un nouveau, un truc de termite plus. C'est ça. Bon, je suis Termito, l'ami de toutes les termites. Tu t'es fait pirater, Isa, toi? On dirait, mais comment je peux faire? Mais écoute, Pascal Rizzo qui va te dire que les piratages en tout genre... C'est pas bien. C'est pas très bien. Pascal Rizzo. Connect, première. Bonjour, le piratage de Yahoo serait encore bien plus important qu'annoncé. Pour rappel, on était passé déjà de 200 millions d'identifiants dans la nature, ou en fait d'ailleurs en vente sur le Darknet, à 500 millions de comptes piratés, chiffre avoué il y a peu par Yahoo. Or, selon un ancien cadre de l'entreprise qui a tenu à garder l'anonymat, ce sont entre 1 et 3 milliards de comptes qui auraient été touchés. Au moment de l'attaque en 2014, l'entreprise gérait entre 800 000 et 1 milliard de comptes actifs, c'est-à-dire de comptes email utilisés au moins une fois par mois, et un nombre indéterminé de comptes inactifs, donc des comptes en sommeil qui n'ont pas été supprimés. Par sécurité donc, changez bien sûr votre mot de passe sur Yahoo, mais aussi sur tous les autres comptes pour lesquels vous utilisez le même mot de passe, car on sait que la majorité des gens font ça. Les pirates disposent de l'identifiant, du mot de passe, des noms, prénoms, dates de naissance et des questions de sécurité permettant de récupérer son compte en cas d'oubli du mot de passe. Bref, une belle tranche de vie personnelle. Et puis piratage 2.0 d'un nouveau genre, d'un panneau publicitaire dit intelligent à Jakarta en Indonésie. Un pirate a diffusé aux yeux de tous un film porno pendant 5 minutes à 14h45 dans un quartier bondé. 5 minutes en fait, le temps pour les autorités de couper le courant dans tout le quartier pour faire cesser la diffusion du film. Le pirate aurait été arrêté et la police aurait aussi saisi le matériel informatique de la régie publicitaire gérant ce panneau géant de 24 mètres carrés. Une affaire prise très au sérieux par les autorités qui luttent activement contre la diffusion de la pornographie dans le pays. Et puis la société controversée Zerodium, au cœur de nombreux scandales d'espionnage, offre une prime de 1,5 million de dollars à toute personne qui parviendrait à pirater la dernière version de iOS, donc iOS 10, en passant par une page web ou par un SMS piégé uniquement, c'est-à-dire donc sans accès physique au téléphone ciblé. Notons que la compagnie avait proposé 500 000 dollars pour le piratage d'iOS 9 et à peine 100 000 pour Android. Sacrée inflation dans ce domaine de l'économie parallèle. Belle journée. L'une des dernières grosses productions des studios Disney. Il s'agit de Kubo. Je m'appelle Kubo. La plupart du temps, je m'occupe de ma mère. Il était comment, mon père ? Il te ressemblait beaucoup. Il était beau et fort comme toi. Maman, arrête ! Je mets de la magie dans mes histoires. Si vous devez cligner des yeux, faites vite ! Elle parle de batailles épiques, de guerriers et de monstres. Mais j'étais loin d'imaginer qu'en fait, mes histoires étaient vraies. Eh bien, figurez-vous que c'est le lancement le plus pourri de l'histoire de la radio, oui, puisque ce ne sont pas les studios Disney qui ont fait Kubo, ni d'ailleurs les studios Pixar, ni d'ailleurs les studios DreamWorks. C'est qui ? Mais les studios Laika que l'on ne connaît pas, mais qui font fureur avec Kubo et l'armure magique. Bah, Mickaël, mais quoi l'arrivée ? Mais ça peut arriver, voilà. Tu sais quoi, je vais te dire quelque chose. On s'en fiche de savoir où sort le film. Oui. C'est un bon film, c'est bon tout film. Ce qui compte. C'est un bon film, allez c'est voir. C'est les vacances, en on plus, peut y emmener vacances. Les enfants. C'est ça. Les vacances. On s'en fiche. Et on envoie quelqu'un ce matin, allez le voir. Et peut-être que ça va être Fred, tiens. Bonjour Fred. Salut Fred. Bonjour. Ça va Fred ? T'es là, tranquillou. Réveillé depuis grand matin, 6h30 au moins. Ah ouais, 3h30 à peu près. Ça même. Comme nous. Lève grand matin. C'est bien. C'est ça que ça vous fait dans Fred la vie. Lève le en même temps. Bah pour l'instant, c'est pas rien, profite un peu. Bah vous lève grand matin, 3h pour faire quoi ? Ah, l'habitude ça. Ah, bon, bah Fred, un peu, on peut dormir un peu aussi, non ? Un peu dormir. Ah, bon, perdre okay. de temps, ça. Ok. Perdre de temps de dormir. Perdre de temps de dormir. Bon, ben pourquoi pas. Aller cinéma, c'est pas un perdre de temps, par contre. Ah, ça, non, ça, ça. Bien, ça. Ah, bon, bah alors, les bons, alors. Est-ce les deux invitations, les poux, alors. Est-ce qu'il y a des marmailles à la case ? Ouais, il y en a 8. Oh. Ah, ouais, quand même. Ah, oui, là, c'est bon travail. Bien travail, ouais. Hein. Ouais, bien. Ah, bah oui. Il lève grand matin. Bah, on comprend pourquoi il lève 3h30 maintenant. Allez, on ira voir Kubo. Bon, félicitations, okay. Fred. Yeah, les invitations, les valables dans les salles du réseau Morefi, Multiplex, Ciné-Cambet de Saint-Paul, la Case Saint-Denis et Plaza de Saint-Louis. Bon. Nous embrasse toute la famille. Par contre, ouais. Fred, choisis le marmaille avant parce que sinon ils vont se battre, hein, ils sont 8. Bon. Ah oui, on mène pas d'autres, mais ça, madame. Ah bon. Ah, génial. Bon, allez. Ah, vous les super, Fred. Allez, bisous, bisous. Salut. Allez, bisous, bisous. Bye, bye. Salut. Allez, 7h53, c'est le zapping. Ah là là, oui. Vous allez l'entendre, Beverly glisse sur une peau de banane, mais elle n'est pas la seule. Ah, bon. La mayonnaise fait causer. Et puis, c'est compliqué. C'est tout ce qu'il y a à dire. C'est très, arriver. Très compliqué. Le problème, c'est que pour les verts, les inscriptions sont terminées depuis samedi. Il fallait être inscrit et donc, vous n'avez pas fait la démarche. Bon, bah non, donc du coup, je n'y participerai pas. Oh là, on l'a fait une erreur là. La paix. C'est là où il y a des valeurs, où il y a des principes. Attention ! Une belle femme comme vous, il dit, mais parce que ma pas encore trouvé le bon. Non, mon prince charmant là, ben ma pas encore trouvé. Comment il faut l'iler ? Grand et musclé. Oui. Et qui a des sens de l'humour, qui fait rire à moi. Là, voilà. On entend décrire, moi, là, non ? Ça m'a bien. Ouais. Très bien. Au fait, bande de bananes. Est-ce que vous savez que les pots, elles ne servent pas qu'à faire glisser les gens dans la rue ? Alors avant de les jeter, pensez à les recycler. Voici 10 utilisations... 10, pardon. Oh là là. Combien de temps là ça va durer, cette affaire ? La salue. Le seul moment où il loupe mon mayonnaise, c'est quand madame est malade. Quand elle est malade, vous connaissez 5 jours par mois, là. Le débarquement. Voilà. C'est-à-dire quand on a nos règles, en fait, on n'arrive pas à faire la mayonnaise. Jackie, ça, il date depuis longtemps, hein. Mais elle monte pas, la mayonnaise, hein. Bonjour à tous les auditeurs, les auditrices des réunions premières. Rambo, il aime tout, il mange tout, mais le camarons, mais sauf Rambo, il n'aime pas la tête camarons. Mange la pourriture, mais la tête camarons, ça c'est le vieux patois d'un temps ancien, ça. Ah. T'as toujours dit dans la tête, c'est vrai, dans la taille. Rambo. Salut Jackie. Bonjour à la réunion. De la tête sevrette à la taille. Bien, allons croiser un peu boudin ce matin. La colle Jacques. Oh la transition pourrie. Tout est la taille. Bien. Là. Mais boudin nous y aime bien. Nous y aime à Lyon Rougaï, nous y aime à Lyon de Pain, nous y aime à Lyon. Intra-Allemagne, vacances du boudin ce matin avec le chef Olivier Modelli, sera avec nous. Donc en rougaille, juste à la poêle, avec du pain ou encore avec du riz. Pourquoi il nous servait à ça tout le temps qu'on nous mange boudin ? On n'a pas essayé la question. C'est vrai, ça. Ouais, il est vrai. Tu mets ton achat, il y a un petit boudin dessus. C'est vrai. Et bonne, enfin, bon pied de moune aussi, il y a mon boudin avec pommes. Oui. C'est vrai, ouais. Exactement. Et pourquoi? Tu as parlé du boudin blanc, Jackie? Le boudin, ben, on parlera du boudin nawa, que ça le safifé. D'accord. Et puis, nous aura, ben, ça qui mange boudin avec ou sans la peau aussi. Oui. C'est important. C'est vrai. Mais tra, les démons, ils laissent le petit morceau là-bas. Là-bas. Du côté. Ouais. Voilà. Et oui, mais des fois, tu mâches, il reste dans la bouche même. Comment il fait? Ouais, c'est vrai ça, mais peut-être c'est pas un pot naturel. Voilà. C'est pas le même c'est boudin. C'est artificiel. Bah alors, qu'est-ce que c'est? Ma si quelqu'un sait. Pas. J'ai la question. Mais oui. Pas. C'est voilà. Quoi ce truc? Non, non. Allez, c'est Jackie, 8h-10h, l'école Jacques. Merci à Isabelle. Demain, Mika. Salut, Marion. Sur la première, Would I Lie to You? Yves Gruyer, tout de suite. L'inforoute vous est offerte par QTech, machine à boire réunion. Le point route avant le journal, Yves. Toujours sous le beau temps de l'Est, ciel dégagé sur les hauteurs, la plaine des palmistes partout, en regardant le massif du volcan, la circulation qui s'est correctement. Attention, il y a beaucoup de travaux dans l'Est, hein, donc si vous circulez entre Saint-Benoît jusqu'à Sainte-Rose, plusieurs chantiers d'aménagement, donc la traversée de Sainte-Anne, toujours en chantier avec de l'alternat, des travaux également vers Maroquin, des travaux vers Piton-Sainte-Rose, des travaux d'aménagement et de réfection des d'élargissement des ravines bambou du côté de Bois-Blanc. Attention donc à toutes ces contraintes. D'alternat. La circulation toujours un peu chargée, donc de Beaulieu jusqu'au carrefour de Bracanote, donc c'est de nouveau d'actualité. Vous l'avez peut-être noté, hein, on n'en a pas trop parlé, mais ça fait près de 15 jours que la vitesse a été ramenée à 90 km/h dans la courbe de l'échangeur de Petit Bazar, passant à Saint-André, dans un sens comme dans l'autre, du fait de du côté dangereux et des nombreuses sorties de route. Donc on a décidé, la sécurité routière, de ramener ça à 90 au lieu de 110. Donc attention à respecter cela pour les contrôles de vitesse. Ralentissement toujours depuis Ravine des Chèvres jusqu'à Saint-Denis. Difficulté depuis la Grande Chaloupe jusqu'à Saint-Denis, côté ouest, par la route du littoral, avec un pont Vincennes encombré de moitié, tranché côté mer, toujours bien rempli, et c'est toujours vers Plateau Caillou, hein, sur la partie route des Tamarins. Le littoral étant fluide, la descente du tampon également. L'inforoute vous a été offerte par QTech, machine à boire Réunion. Bienvenue sur Réunion Première, il est 8h. Le journal de la rédaction est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Ils seront fixés aujourd'hui. Stéphane Bocage et Coralie Francombe sont jugés depuis hier aux assises. Le jeune homme est accusé d'avoir tué le petit Kaylan, 2 ans. Il avait avoué les faits, mais hier, Stéphane Bocage s'est rétracté. Il nie aujourd'hui toute implication. Elle a été vue plus de 350 000 fois. La vidéo de cette maman qui corrige son fils a fait le buzz et continue de diviser. Une centaine de personnes étaient hier devant le commissariat pour soutenir la jeune femme. Placée quelques heures en garde à vue, elle doit être jugée le 17 février prochain.